Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus dans notre local du CIRA. Alors, il y a des gens que je n'ai jamais vus. Donc, en deux mots, le CIRA, donc, c'est un centre international de recherche sur l'anarchisme. On collecte tout ce qui a un rapport avec l'anarchisme, de près ou de loin. Ça existe à Marseille depuis 1965. Et dans ce local, on y est depuis deux ans et demi. Et donc c'est un local qui est à nous. Après beaucoup de vicissitudes, on a pu s'installer dans nos murs et on est très content de vous recevoir. Donc on organise, bon, c'est une bibliothèque, une petite librairie aussi, et tous les mois on organise une causerie. Centre d'archives, donc on collecte tout, des tracts, des affiches, des photos. Et tous les mois, on organise une causerie sur un thème qui a rapport de près ou de loin avec l'anarchisme. Et aujourd'hui, on est content de recevoir Jacques Van Elden. Alors, la plupart d'entre vous le connaissent, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais dire qu'il a une formation d'ingénieur agronome et il est actuellement enseignant à la fac de Lumini, où il enseigne des choses qui s'appellent la bioinformatique, l'analyse des génomes, l'analyse des réseaux, des séquences régulatrices, la biostatistique et plus facile, biologie et société. Alors tous ces termes ont l'air très compliqués, mais je pense qu'il va être très pédagogique quand on va sortir de là dans deux heures, on saura toute la signification de ces mots. Donc tu es à Lumini depuis novembre 2011, avant tu es passé par la Belgique, ta terre natale, et puis le Mexique qui t'a accueilli aussi. Tu organises des conférences, des séminaires, diriges des thèses, des mémoires. Tu as à ton actif un nombre de publications, pas astronomiques, mais des dizaines d'articles, de livres collectifs. Et pour ce qui nous intéresse plus particulièrement, deux articles dans la revue Réfraction, qui est une revue de réflexion anarchiste. Et malheureusement, on n'a pas les numéros là, mais enfin, on a d'autres numéros de Réfraction. Donc dans le numéro 13, c'était un numéro sur les consacrés à la science, tu as écrit « Le biologiste au carrefour du social, de l'économique et du politique ». Et dans le numéro 23, un numéro consacré à l'entraide, « Faut-il chercher dans nos gènes l'origine des comportements sociaux ?» Et peut-être ça ressemble un peu à ce dont on va parler aujourd'hui, qui est aussi un titre très compliqué, « Génomique personnelle ». Qui lira notre avenir dans notre ADN, point d'interrogation. Sur la parole. Merci. ADN, on sait un peu ce que c'est. Alexandra David Neff. Oui, sur les aspects juridiques des tests d'ADN, parce que lui, il était impliqué en tant qu'avocat dans la défense des personnes qui avaient refusé de donner de statuer un test ADN et qui sont condamnées, ont essayé de leur faire porter des lourdes peines pour refus plus pour leur refus de donner de l'ADN que pour les délits qu'ils avaient initialement connus et reconnus, en fait, c'était de participer à un test d'ADN. Donc, suite à ça, Marie-Claude m'a dit, en fait, on parle des tests d'ADN, on dit beaucoup de choses sur les tests d'ADN, sur ce qu'on peut faire avec, ce qu'on ne peut pas faire avec, mais qu'est-ce que c'est l'ADN ? On a tous vu ça pendant nos études secondaires, c'est parfois un petit peu loin, et puis, de toute façon, ça a beaucoup changé depuis lors. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'ADN ? Donc, moi, je vais prendre ici le point de vue biologique, c'est-à-dire que je vais effectivement vous montrer ce qu'on peut faire avec de l'ADN, ce qu'on en fait déjà maintenant, et puis ce qu'on pourrait en faire. Et donc, quand je dis qui pourrait lire notre avenir dans nos gènes, c'est le titre aussi d'un petit article que j'avais écrit sur ce sujet-là dans une revue, une petite revue. Et je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués, parce qu'il y a beaucoup d'applications. Il y a des applications dans le domaine de la santé, et c'est généralement celle-là qu'on va mettre en avant. Mais il y a aussi des applications dans d'autres domaines, comme l'identification des personnes, le traçage des origines personnelles, les liens de parenté, le traçage des origines géographiques des gens. Et donc je voudrais faire un petit peu un panorama de ce qu'on peut faire aujourd'hui, de ce qu'on ne peut pas faire, et parfois de ce qu'on ne peut pas faire mais qu'on prétend qu'on peut faire. Et je ne peux pas entrer dans les détails et faire tout un cours de biologie. Donc ce que je vais faire, c'est quand même commencer par répondre à la première question de Marie-Yvonne qui était « Mais qu'est-ce que c'est l'ADN ? Comment ça marche ?» et essayer d'un tout petit peu établir les concepts. Et dans les concepts, c'est pour ça que j'ai un peu recouru à un support visuel. Alors je m'étais dit « Je vais faire des projections et tout », mais c'était compliqué, j'ai pas trouvé de projo. Je me suis dit que c'était pas plus mal d'imprimer une vingtaine de copies, comme ça vous pouvez l'avoir sous les yeux. Alors il faut que... Non, parce que j'ai le document ici, moi, et puis je les connais, c'est juste pour savoir dans quel ordre. Voilà. Donc, dans la première figure que j'ai donnée, que j'ai imprimée là, la première figure, c'est un monsieur qui a à la fois une cravate et un tablier de labo, ce qui n'est pas tout à fait neutre. En fait, ça représente d'une certaine manière un tournant actuel de la biologie, qui est d'aller vers une biotechnologie avec pas mal d'applications commerciales, avec notamment une pression sur les universités pour se lancer dans la valorisation commerciale de leurs inventions. Les spin-offs, les start-up, etc. Donc ici, on a typiquement un monsieur qui travaille vraisemblablement dans une start-up et qui est en train de nous lire dans une boule d'ADN notre avenir. On voit que c'est de l'ADN qui sort de cette boule d'ADN. Donc j'aime bien ce dessin. Alors, la première figure qu'on voit là, c'est un karyotype. Donc le karyotype, c'est une image de microscopie, en fait. Ça, c'est quelque chose qu'on peut observer au microscope à partir d'extraits cellulaires. À certains moments du cycle cellulaire, les chromosomes sont sous cette forme-là, une forme très très compacte. Donc quand on écrase des cellules et puis qu'on les regarde au microscope, on voit des tas de choses, bon ça ressemble un peu à une bouillie, mais on peut faire un marquage avec certains marqueurs colorés de certains corpuscules, et ces corpuscules, parce que justement ils sont marqués, ils répondent à ce marqueur, on les appelle les chromosomes, c'est les corpuscules qu'on peut colorer, qui ont de la couleur, chromosomes, littéralement, épistémologiquement. Et comme la plupart d'entre vous le savent, chez l'humain, nous avons 23 paires de chromosomes. Et donc ici, ce n'est pas l'image de la cellule écrasée. On a déjà découpé dans cette image les morceaux qui correspondent aux chromosomes, mais on a fait plus que ça. On les a triés, on les a ordonnés en allant du plus grand au plus petit. Et en fait, ils sont chaque fois regroupés par paires. Et dans ce karyotype, pour chacune des paires de chromosomes, il y a un des chromosomes qui vient de la mère et l'autre du père. Alors, a priori, on ne sait pas lequel vient de la mère ni du père quand on fait un karyotype comme ça. Sur base du karyotype, on ne peut pas déterminer quel est le chromosome paternel ou le chromosome maternel. Sauf dans ce cas-ci, il y a un des chromosomes pour lequel on peut le deviner, c'est le dernier, celui qui est tout en bas à droite, parce que chez cet individu-là, le chromosome, le 23e chromosome, il est différent. Il y a un petit et un grand, et le petit, c'est le chromosome Y, c'est celui qui a reçu de sa maman. De son papa, pardon, c'est son papa, pas celui-là. Et l'autre, c'est le chromosome X qu'il a reçu de sa maman. Donc cet individu-là, rien que sur base de son chromosome, je peux déjà dire que c'est un individu mâle. Et chez les femmes, il y a deux chromosomes X qui ont la même taille. Donc ça, c'est le karyotype. Et puis on peut faire un zoom, et donc c'est la figure à côté, la figure qui est tout à fait à droite. où on voit un agrandissement, enfin c'est pas la même photo, c'est une autre photo avec un autre type de marquage, mais on voit un agrandissement d'un chromosome, c'est une photo en noir et blanc là, d'un chromosome, et bon, on voit que c'est une épaisse pelote de quelque chose, et ce quelque chose, on peut le dérouler. Alors on peut le dérouler comme ils l'ont fait sur le dessin, qui est un schéma en violet à côté, et en fait ce qu'on voit si on le déroule, c'est que c'est un enroulement d'un autre enroulement, donc c'est ce qu'on appelle un super enroulement, d'une molécule, en fait, qui est un très très long, une longue molécule qu'on appelle l'ADN. Donc les chromosomes, ces petits corpuscules qu'on trouve dans chacune de nos cellules, en 23 paires, ben ces chromosomes correspondent à la molécule d'ADN. C'est de la molécule d'ADN qui est enroulée. Alors ce qui fait l'enroulement de cette molécule-là, c'est qu'il y a un premier niveau d'enroulement qui est autour d'histones, c'est des protéines. Donc le chromosome est un peu plus complexe que seulement de l'ADN, mais la partie informative du chromosome, c'est l'ADN. Alors l'ADN, maintenant on va sur la figure qui est au milieu à gauche. Je vous ai montré ici un schéma sur la structure de l'ADN. Alors là, c'est beaucoup plus schématique, mais vous voyez que ce schéma, il ressemble à ce qu'il y a tout en bas du déroulement du chromosome. Je parle peut-être un peu vite. Alors, n'hésitez pas à m'arrêter. Ou bien aussi, moi j'utilise des mots qui me sont familiers. Mais évidemment, le but de cette première minute, c'est de poser un vocabulaire. Et après, je vais l'utiliser. Donc, arrêtez-moi n'importe quand pour dire stop, stop, stop. Parce que les questions vont m'aider aussi à clarifier. N'hésitez vraiment pas. Okay. Alors, donc, dans la figure du milieu à gauche, ce qu'on voit, c'est... Alors, vous voyez qu'elle est découpée en deux. Ça, c'est aussi un petit peu artificiel. C'est-à-dire que dans la partie de gauche de cette figure-là, on voit une chaîne d'ADN. Et cette chaîne d'ADN, en fait, on voit que c'est une double hélice. Hein, le terme de double hélice est assez familier à l'oreille. La structure de l'ADN, cette structure en double hélice, a été découverte en 1953 par Watson et Crick. Et dans cette structure, on voit les échelles, on voit une sorte d'échelle qui est enroulée sur elle-même, et les montants de cette échelle, enfin les barreaux, pardon, les montants de cette échelle qui sont enroulés, ils sont constitués essentiellement de phosphates, en fait, de liens entre des molécules de phosphate. Mais ce qui est très important, c'est que vous voyez que les barreaux de cette échelle sont schématisés avec des couleurs différentes. Et ces couleurs-là, on a associé des lettres sur le dessin A, G, C, T, A, G, T, C. Et en fait, ces lettres-là sont les initiales de quatre noms de molécules qui sont l'adénine, la cytosine, la guanine et la thymine. Alors ces quatre molécules-là, c'est des nucléotides, c'est des petites molécules dont on savait déjà depuis le siècle passé, qu'on les trouvait en grande quantité dans les cellules vivantes. Mais la découverte de la structure de l'ADN en 1953 a révélé quelque chose qui est vraiment essentiel, qui est que ce qui fait l'information dans les chromosomes, ce qui fait que les chromosomes sont le support de nos caractéristiques génétiques, en fait c'est la succession de ces molécules. C'est la succession, donc l'ADN c'est un polymère. C'est un polymère, c'est-à-dire c'est un assemblage de monomères, c'est un assemblage d'éléments du même type. Et ces éléments du même type, il y en a quatre différents, enfin il y a quatre sortes différentes, quatre sous-types. C'est l'adénine, cytosine, guanine, thymine. Et réellement, ce qui confère son caractère informatif à l'ADN, c'est la succession de ces lettres. Et ça, c'est vraiment la découverte de 1953. Avant ça, on imaginait qu'il devait y avoir, ça a été posé un peu avant par Schrödinger, le fait qu'il devait y avoir un polymère informatif, un polymère non périodique, etc. Mais c'est vraiment depuis 1953 qu'on a compris, que Crick et Watson ont compris, que c'était la succession de ces quatre petites molécules au sein de cet énorme polymère qui faisait le contenu informationnel des chromosomes. Alors, dans la suite, quand on parle de l'ADN, souvent, on le réduit à ces lettres ATGC, et donc on peut décrire un chromosome entier sur base d'un texte dans un ordinateur, un texte d'un fichier texte qui est constitué de quatre lettres ACGT. Chacune de ces lettres représente un des monomères qui entre dans cet assemblage. Et pour vous donner un ordre de grandeur, le génome d'une petite bactérie, intracellulaire qui s'appelle Mycoplasma genitalium, fait 500 000, c'est un seul chromosome, ce génome-là, un chromosome circulaire, et il y a 500 000 nucléotides. Donc ça, c'est pour vous donner un ordre de grandeur. c'est l'un des plus petits génomes d'organismes cellulaires qu'on connaisse. Ça fait 500 000 nucléotides et il y a 500 gènes. Un gène par le kilobase, un gène tous les 1000 nucléotides. Le génome de la drosophile, la petite mouche à vinaigre, c'est 100 millions de nucléotides et il y a plus ou moins 15 000 gènes. Le génome humain, c'est 3 milliards de nucléotides. Donc dans mon ordinateur, j'ai ici un exemplaire de génome humain. Bon, j'ai aussi des génomes de bactéries, de levures, de drosophiles, et ça c'est mon métier, c'est d'analyser ces génomes. Donc on peut maintenant séquencer l'ensemble d'un génome. On peut séquencer l'ensemble d'un génome, ça veut dire caractériser toute la succession de ces lettres pour l'ensemble de tous les chromosomes d'un organisme d'intérêt. Et pour le génome humain, donc j'ai ici le génome d'un être humain, et c'est un fichier avec, c'est plusieurs fichiers, le plus grand chromosome chez humain. Donc si on remonte à la figure qui montre le karyotype, eh bien, le plus grand des chromosomes, il fait 250 millions de nucléotides, enfin de paires de nucléotides, puisqu'il y a la double hélice, donc chaque fois, oui, ça, je vais y revenir après, mais il fait 250 millions de paires de bases, et les petits chromosomes, ils font 50 millions de paires de bases. Et l'ensemble fait 3 milliards de paires de bases pour le génome humain. Alors, là où il y a eu un changement d'échelle assez drastique, c'est que à partir du début des années 90, on a commencé à entamer des projets de séquençage de génome complet. Avant ça, dans les années 80, les gens qui travaillaient en génétique moléculaire, ils faisaient du séquençage, c'est-à-dire qu'ils déterminaient la succession des nucléotides pour des gènes, pour des segments de 1 kilobase, 2 kilobases. Ils s'intéressaient à un gène à la fois. C'était vraiment le 20e siècle, était le siècle du gène, comme l'a qualifié Wim Fox-Keller. Elle a écrit un livre sur qui s'appelle « Le siècle du gène ». Et la transition vers le 21e siècle, c'est vraiment été le passage de cette échelle d'études, de ce niveau d'études où les généticiens s'intéressaient à un gène à la fois, à ce qu'on appelle la génomie. C'est-à-dire qu'on va commencer à faire des projets où on veut caractériser la succession des nucléotides pour tout le génome d'une bactérie. En 1995, une bactérie, Mycoplasma genitalium, c'est une toute petite, enfin, bactérie avec un tout petit génome. En 1996, une levure de 12 millions de paires de bases. Début des années 2000, la drosophile, une plante aussi, Rhabidopsis thaliana. Et puis 2001, le premier brouillon du génome humain. Et puis, dans le milieu des années, entre 2000 et 2010, vers 2007 en fait précisément, 2007-2008, nouvelles inventions technologiques qui font qu'on va passer encore à une vitesse supérieure et on va passer à l'ère de ce qu'on appelle la génomique personnelle. Et donc c'est de ça que, c'est vraiment à ce niveau-là que je voudrais focaliser le débat aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait la différence entre l'époque où on analysait le génome d'un individu humain comme le modèle de l'espèce humaine et un individu de drosophile comme le modèle de l'espèce de drosophile, etc., au niveau actuel où en fait on peut caractériser le génome d'un individu pour 2000 euros, enfin on peut commander le séquençage de son génome pour 2000 euros, mais un labo qui ferait le génome d'un grand nombre d'individus, ça lui coûtera moins cher. Et d'ici quelques années, d'ici 3-4 ans sans doute, ça coûtera quelques dizaines d'euros pour séquencer complètement, caractériser complètement le génome d'un individu. Donc ça veut dire que ça coûtera sans doute moins cher dans quelques années de séquencer votre génome complet que de faire un examen routinier avec une glycémie plus une mesure de quelques paramètres dans votre sang, le taux de sucre, taux d'hormones, taux de je ne sais pas quoi. Donc, et les plaquettes et compagnie, les trucs qu'on fait quotidiennement, et ça coûtera moins cher de vous faire le génome complet. Alors évidemment, ça fait un certain changement. Ça fait un certain changement, et moi je vais donc parler ici des perspectives biologiques. Je vais un tout petit peu mentionner évidemment, enfin je ne suis pas extrêmement compétent pour parler des aspects juridiques qui y sont liés, mais c'est quelque chose qui fait débat actuellement, et en 2009 notamment, on avait organisé à Bruxelles un débat avec toutes les organisations européennes de protection de la vie privée. C'est des agences, donc il y a une agence belge, une agence française, etc. Donc chaque État a une agence qui veille à la protection des données à caractère personnel. Et notamment, c'est ces agences-là qui décident de donner ou non accès à des fichiers médicaux ou à des fichiers historiques pour des études, pour des recherches. Si un anthropologue veut faire des recherches historiques et qu'il veut accéder à des fichiers, à des données personnelles à l'échelle du pays entier, il doit justifier de son accès à ces données. Ou si il veut accéder à des données sur la sécurité sociale, par exemple. Si quelqu'un veut savoir quels sont les l'utilisation de la sécurité sociale dans différentes régions de France, etc., ben, il faut demander à quelqu'un l'autorisation d'accéder à ces fichiers et puis détruire les données après l'analyse, etc. Donc il y a des règles très très bien établies pour tout ce qui est données médicales et données historiques. Sauf que ces données-là, notamment, ça inclut la protection de l'anonymat. C'est-à-dire qu'on peut accéder à des données, et sauf si la nature même de l'étude requiert le fait de connaître les liens de filiation entre les gens ou l'identité des personnes, on anonymise les données. On vous donne les données, mais on enlève le nom. Et donc on peut savoir quels sont tous les traitements médicaux qui ont suivi des milliers de personnes, mais sans savoir quelle est la personne qui a suivi quel traitement, par exemple. Hein? Donc ça, c'est des règles qui sont bien établies, sur lesquelles il y a des conventions entre les États, sur lesquelles aussi les hôpitaux ont des contraintes très très strictes pour donner accès ou non à des données médicales, etc. Et il y a un problème, c'est que toutes ces règles-là, en fait, comme je vais vous le montrer, elles perdent un petit peu leur sens dès le moment où la donnée, c'est le génome. Parce que quand on a une donnée médicale qui consiste en une fiche, une liste de traitements ou une liste de comportements, tabagisme, consommation d'alcool ou de caractéristiques personnelles, mais personnelles partagées par un grand nombre de gens, comme le fait de la religion, le fait de faire ou non du sport, etc. Mais tout ça n'est pas identifiant en soi. Tandis que le génome, il est par définition identifiant, et d'ailleurs c'est ce qu'utilise la police pour identifier les gens. Voilà, ça c'était une introduction sur les enjeux, et maintenant je vais vous parler un petit peu des applications. Il me semble que j'ai encore oublié une chose, oui. Je ne sais pas si j'ai raté un truc au début, mais les chromosomes, on les trouve à quel endroit? C'est sur les cellules? Oui, alors, effectivement. Je ne sais pas si tu l'as dit. À l'intérieur, j'ai été un peu flou là-dessus. J'ai dit si on écrase une cellule, mais c'est plus précis que ça. En fait, toutes nos cellules comportent un noyau. Enfin, la cellule est entourée d'une membrane, et puis à l'intérieur, il y a différents corpuscules. Et il y a un noyau cellulaire dans les cellules des eucaryotes, en tout cas des animaux, des plantes. Et dans ce noyau, il y a ces chromosomes-là. Donc, dans chaque cellule de notre corps, il y a les mêmes chromosomes. Sauf dans les globules rouges. Les globules rouges n'ont pas de noyau. Mais les précurseurs de globules rouges ont des noyaux. Et puis au moment de la différenciation, on perd les noyaux. Et voilà. Mais donc dans toutes nos cellules, il y a des noyaux. Dans chaque cellule. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans une trace de sang, tu ne peux pas retrouver... Si, parce qu'il y a des tas de... Si, alors autre chose que des globules rouges. Il y a les globules blancs, il y a des tas d'autres choses. Oui. Alors justement, à partir de quoi est-ce qu'on peut faire la détermination de... Par exemple, du génotypage? Donc la détermination des caractéristiques génétiques d'un individu. On peut le faire avec des prises de sang, c'est pour ça que justement les prélèvements d'ADN, donc ce qu'on demandait, ce qu'on essayait de faire à ces gens qui ont refusé qu'on prélève leur ADN, les arracheurs d'OGM, on leur demandait de leur faire une prise de sang. Ils ont dit non, nous refusons, et on n'a pas le droit de leur imposer. On a le droit de refuser. Seulement si on a le droit. Personne ne peut forcer quelqu'un à se faire une prise de sang. Par contre, après, le procès qu'on leur fait, c'est pour refus de... Jean-Jacques avait expliqué ça avec vous. Pour les démanger, ouais. Oui, ce serait peut-être une bonne stratégie, effectivement, c'est de dire ma religion me l'interdit. Je ne sais pas. Mais les témoins de Jéhovah vont en prison, on peut pas les faire. Quand on donne notre ADN, ils ont automatiquement le génome, il y a un lien entre les deux. Alors, ils peuvent s'écarcer automatiquement ou... Alors, techniquement, quand on fait une prise de sang, on dispose du matériel biologique suffisant pour séquencer complètement le génome. On peut même le faire avec beaucoup moins que ça, c'est-à-dire que un petit frottis buccal peut suffire. D'ailleurs, c'est des techniques qui sont utilisées maintenant par les firmes commerciales quand elles vont vous vendre des services personnalisés en génomique. Elles vous envoient un petit kit, on fait un frottis buccal parce que tout le monde n'a pas envie de se faire une prise de sang, ni la compétence. Il y a des affaires où des gens qui refusaient de donner leur sang. Ils leur ont donné à boire, ils ont récupéré le verre. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont fait. Techniquement, on peut le faire, effectivement. J'avais écouté un exposé d'un gars qui travaillait au parquet en Belgique, donc qui travaillait dans la police, pour l'État. Et lui, il montrait les différents échantillons biologiques qui suffisent à identifier une personne. Il suffit d'un cheveu, il suffit effectivement de trouver une boîte de... Enfin, il montrait une boîte de Coca-Cola... si quelqu'un simplement pose les lèvres sur un objet, ou ça suffit pour qu'il y ait des squames qui suffisent à une identité. Pardon. Une question. Je ne vois pas le rapport qu'il y a entre la prise de médicaments et l'ADN. Non, ce n'est pas la prise de médicaments, c'est la prise de sang. Non, mais tu as dit qu'on pouvait, dans l'ADN, voir quel médicament il avait été pris. Ah, j'ai déjà dit ça. J'ai compris ça. J'ai pas compris, alors ça va. Non, j'ai dit que pour accéder, pour les anthropologues ou les chercheurs en n'importe quoi, par exemple, même en médecine, etc., qui veulent accéder à des fichiers de la sécurité sociale pour faire des études sur, par exemple, le rapport entre les habitudes alimentaires et les risques de développer des maladies. On pouvait faire ça, enfin, on peut faire ça depuis des années, on fait ça. Hein. Des rapports entre les études sur le rapport entre le comportement, les maladies, les traitements et compagnie. Pour accéder à ça, ça leur donne accès notamment à qui utilise quel médicament, etc. Mais là, il y a des règles bien déterminées. Et par contre, je disais ça pour dire que par contre, dans le domaine du séquençage des génomes, les règles n'existent pas encore. C'est un problème qui est actuellement en train d'être débattu, de savoir quelles règles on va établir à l'avenir pour laisser ou non les gens accéder aux données génomiques personnelles, parce que ces données-là, il ne suffit pas de masquer le nom de la personne, parce que la séquence de l'ADN elle-même va permettre de retrouver le nom de la personne et tous ses liens de parenté, etc. Et donc, on est dans un vide juridique actuellement, parce que la technologie s'est développé tellement rapidement qu'on est capable de faire des choses actuellement que le législateur n'a simplement pas pu prévoir. C'est dans ce sens-là que je le disais, que je voulais le dire, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout de l'idée. Non. Merci de m'avoir fait préciser. Et est-ce que tu vas nous raconter ce que racontent, justement ? Voilà. Qu'est-ce qu'ils racontent, les gènes, hein ? Alors, il y avait quelqu'un qui vous posait une question. Non, il y a un type de cellule qui a l'ADN un peu plus forte. Je crois qu'il y a un type de cellule qui est une exception où on trouve dans les mitochondries, je crois, cet ADN. Ah. C'est lequel, c'est quoi ce... Dans toutes les cellules. En fait, dans toutes les cellules, l'ADN se trouve... Oui, effectivement, j'ai dit que l'ADN se trouvait dans le noyau. Donc, les chromosomes dont j'ai parlé là se trouvent dans le noyau. Mais il y a d'autres endroits dans la cellule où on trouve aussi de l'ADN, et en particulier chez les animaux, chez tous les animaux, on en trouve dans les mitochondries. Donc les mitochondries, c'est des petits corpuscules qui sont hors du noyau, qui sont dans le cytoplasme, et où il y a de l'ADN. Mais en fait, ce qu'on pense, c'est que... et cet ADN comprend aussi des régions qui codent pour un certain nombre de gènes. Il y a très peu de gènes dans les mitochondries. On trouve aussi de l'ADN dans les chloroplastes, chez les plantes, enfin chez tous les organismes photosynthétiques. Chez les plantes, il y a les chloroplastes qui contiennent de l'ADN aussi. Et en fait, mais cet ADN-là, du point de vue évolutif, ça provient d'un événement qui s'est passé il y a 2 milliards d'années. Donc la vie est apparue sur Terre il y a, on pense, 3,8 milliards d'années. Mais c'était la vie de cellules prokaryotes, c'est-à-dire cellules qui n'ont pas de noyau, où l'ADN est... Bon, il y a une membrane cellulaire, il y a l'ADN qui flotte dans un cytoplasme, mais il n'y a pas de séparation entre l'ADN et le reste de la cellule. Mais point de vue de l'ADN, pardon, oui. C'est un saut, l'homme, alors. L'homme, non. L'homme n'est pas du tout un saut. Non, c'est une continuité. Non, il n'y a pas une continuité. Il y a plusieurs sauts, mais ce n'est pas l'homme qui est le saut. Alors, le premier saut, enfin, il y a plusieurs sauts. Il y a un livre très intéressant à ce propos qui s'appelle « Les origines de la vie », qui est un livre écrit par John Maynard Smith, et il a été traduit en français sous le titre « Les origines de la vie ». Et là-dedans, il parle des 7 transitions majeures de l'évolution. Alors, une première transition... c'est l'apparition de la vie cellulaire, c'est-à-dire c'est les origines réellement de la vie, c'est-à-dire une cellule qui contient du matériel génétique et qui est capable de se reproduire, de se répliquer. Donc une seule cellule peut donner naissance à 2 cellules, et celles-là peuvent chacune donner naissance à 2 cellules. Et ça, c'est encore ce qui se passe aujourd'hui, 3 milliards 800 millions d'années plus tard, avec les bactéries. Si vous prenez un milieu de culture, un bouillon de culture, avec un petit peu tout ce qu'il faut pour bien manger, quoi, un peu de sucre, un peu de sel, un peu d'acide aminé, un peu de tout ce qu'il faut, enfin, un bouillon de viande, par exemple, vous le stérilisez, et puis vous mettez un doigt dedans, eh bien, au bout d'une semaine, il y aura plein de bactéries dedans, parce que nos doigts sont couverts de bactéries. Alors, une deuxième transition, vraiment majeure, ça a été les eucaryotes, c'est-à-dire justement l'apparition de cellules qui ont un noyau, où le matériel génétique est enfermé dans un noyau. Mais il y a plus que ça, c'est qu'on pense que ces eucaryotes qui résultent de la fusion entre deux bactéries. ou plus précisément d'une symbiose entre deux bactéries. C'est-à-dire qu'il y a une bactérie qui a vécu, enfin qui était au départ un parasite d'une autre bactérie, donc elle vivait à l'intérieur de la cellule. Et puis, progressivement, elles ont commencé à devenir symbiotiques, c'est-à-dire que chacune des deux bactéries servait à l'autre. Et la trace actuelle de cette symbiose, c'est que la bactérie qui était le parasite initialement a été extrêmement réduite, et il ne reste plus que la mitochondrie, mais qui sert en fait, dans toutes les cellules de notre corps, à fournir l'énergie. Donc c'est la centrale d'énergie. Alors un autre événement majeur, ça a été une nouvelle symbiose du même type, mais avec des bactéries qui avaient la capacité de faire la photosynthèse, et ça a donné les plantes. Et puis une autre transition très importante, c'est le passage d'une vie unicellulaire, comme les bactéries, les levures, etc., à une vie multicellulaire, des organismes qui ont une structure où chaque cellule a un rôle particulier. Et dans le corps humain, par exemple, mais aussi chez une souris, chez une drosophile, ou chez une plante, il y a différents types de cellules qui font des choses différentes. Chez la plante, il y a des feuilles, qui font la photosynthèse, il y a les racines qui vont assurer le pompage de l'eau et des ressources minérales, et il y a les fleurs qui vont assurer la reproduction. Donc cette spécification du rôle des différentes cellules, ça c'est aussi une transition majeure. Et chez les animaux, idem, il y a des cellules musculaires, il y a des cellules de la rétine qui permettent de percevoir les couleurs. Et tout ça, ces cellules-là, elles ont toutes exactement les mêmes chromosomes. Mais dans ces chromosomes, justement, qu'est-ce qu'ils font les chromosomes? Qu'est-ce que ça fait? Bon, ça me donne peut-être une bonne façon de l'introduire, je vais y venir maintenant. Mais donc, une transition majeure, c'est le passage de cellules individuelles à des organismes constitués de différentes cellules avec une spécialisation des tâches parmi les cellules. Alors bon, on peut distinguer d'autres transitions majeures, Ménard-Smith qui pousse les transitions majeures jusqu'à parler aussi de l'apparition de la vie sociale comme une transition majeure. Alors là on sort un peu déjà du domaine biologique, enfin il en parle pour les fourmis, etc. Et puis il fait l'extension jusqu'à l'homme, il parle de l'apparition du langage comme la dernière transition majeure. Mais ça c'est un peu la thèse de son bouquin. Mais l'homme, en tant qu'animal, il n'y a pas de transition majeure. On est dans la branche des primates, il n'y a pas grand-chose qui nous sépare du point de vue génétique d'un chimpanzé. Enfin, 95% du génome identique. Il n'y a pas de mutation. Anthropologiquement, il n'y aura pas de mutation, ce qu'on nous prédit plus ou moins. En disant qu'il y a des super-hommes un jour qui vont apparaître. On va en parler à la fin. On va y revenir à la fin. Sur le super-homme. On va en parler. Alors, je ne sais pas, les mutations, c'est une chose, et puis l'autre chose, ce sera l'utilisation des biotechnologies pour fabriquer des super-hommes. C'est-à-dire le transhumanisme. Non, on peut en parler à la fin. Mais d'abord, je vais montrer ce que font les jeunes, parce que sinon, je vais parler de façon métaphorique. Donc, qu'est-ce qu'ils font les jeunes? Justement, l'exemple qu'on vient d'aborder ici. Pourquoi mes yeux font des choses différentes de mon foie? Alors, en fait, les gènes, ce qu'ils font, c'est qu'ils contiennent de l'information qui permet... Donc, cette succession de lettres, en fait, elle sert de modèle pour fabriquer un autre type de molécule qu'on appelle les protéines. Et les protéines, vous voyez un exemple de protéine en dessous, c'est la structure de l'hémoglobine que j'ai marqué là. Et donc, justement, cette protéine-là, elle a été extrêmement bien étudiée pour plein de raisons. Mais... ce que vous voyez ici, vous voyez quatre morceaux qui ont chacun la même forme. C'est pas évident à voir parce que bon, chacun de ces morceaux est constitué d'une espèce d'amas d'hélices. Hein. Vous voyez des hélices. Là, vous voyez des hélices. Alors ces hélices-là, ce sont pas du tout le même type d'hélices que l'ADN. C'est des hélices qui sont constituées d'acides aminés. Et les acides aminés, donc, sont les composantes des protéines. Les protéines sont aussi des polymères. Donc c'est des assemblages de petites unités qui se ressemblent. Mais au lieu d'y avoir quatre types de polymères, comme dans les nucléotides, il y a 20 types d'acides aminés. Et ces protéines, en fait, on les appelle protéines parce que, en hommage au dieu Protée, qui avait la capacité de changer de forme. Et les protéines, ce qui leur confère leur propriété, c'est leur forme. Alors leur forme provient de la succession des lettres aussi, enfin, de la succession des acides aminés. Donc c'est la séquence des acides aminés qui va déterminer la forme de la protéine. Mais ce qui confère à la protéine sa fonction, c'est réellement sa forme tridimensionnelle et aussi ses propriétés électrostatiques. Parce que certains acides aminés sont hydrophiles, ça veut dire qu'ils vont permettre à cette molécule de se trouver bien dans le cytoplasme ou à l'extérieur de la cellule, dans les milieux liquides. Et d'autres sont hydrophobes, Ça veut dire que certaines protéines qui ont des parties hydrophobes vont aller se coller aux membranes cellulaires ou elles vont se mettre à l'intérieur des membranes, etc. Donc déjà, la localisation de ces protéines va dépendre de leur composition. Et puis, leur forme va faire beaucoup plus que ça. Par exemple, l'hémoglobine que vous voyez ici, donc vous avez deux parties rouges et deux parties jaunes. En fait, l'hémoglobine, c'est une protéine qui est formée de quatre unités. Bon, il y a l'hémoglobine alpha et l'hémoglobine bêta. Et donc, chaque protéine d'hémoglobine est composée de deux unités alpha, deux unités bêta. Mais en gros, chacune de ces unités-là, elle a une forme tout à fait particulière qui fait qu'il y a une poche dans laquelle la protéine va pouvoir fixer une molécule. Et c'est ce que vous voyez en vert un peu plus foncé. Et cette molécule-là, ça s'appelle, c'est une molécule qu'on appelle M, parce qu'on la trouve dans l'hémoglobine. Et la protéine telle qu'elle est là, sa spécificité, c'est qu'elle a la capacité de fixer l'oxygène. C'est-à-dire qu'elle peut fixer l'oxygène, et donc quand elle est dans les poumons, il y a une très très forte concentration, elle va fixer l'oxygène, et puis elle va circuler dans le sang, parce qu'elle est portée, tous les globules rouges sont très riches en hémoglobine, et puis elle va circuler dans le sang, dans l'ensemble de notre corps, et à d'autres, dans les autres cellules, dans nos muscles, dans n'importe laquelle des autres cellules d'ailleurs, quand la concentration en oxygène va baisser à l'extérieur dans le sang, l'hémoglobine va relâcher l'oxygène et donc elle va assurer le transport de l'oxygène entre nos poumons et le reste de notre corps. Alors ça c'est un exemple d'une protéine qui a une fonction et l'hémoglobine elle est exprimée uniquement par les globules rouges. Les cellules de mes yeux n'expriment pas l'hémoglobine, ne fabriquent pas l'hémoglobine. Donc, les cellules de sang font de l'hémoglobine, les cellules des yeux ne font pas de l'hémoglobine mais elles font autre chose. Par exemple les cellules de la rétine elles synthétisent d'autres protéines, donc il y a d'autres gènes. Parmi les, je ne vous ai pas dit, il y a 25 000 gènes dans le génome humain, donc il y a 3 milliards de paires de bases, mais il y a 25 000 gènes. Un de ces gènes, c'est l'hémoglobine. Un autre gène, enfin, il y a deux gènes qui codent pour l'hémoglobine alpha, l'hémoglobine bêta. Alors, il y a d'autres gènes qui codent, par exemple, pour donc coder, ça veut dire qu'ils contiennent une information qui leur permet de fabriquer une protéine. Et un type de protéine, c'est les opsines, c'est des protéines qui permettent de percevoir la couleur. Et chez l'humain, il y a des opsines qui permettent, qui sont exprimées dans les cellules bâtonnets qui permettent de percevoir les formes, la vision fine et la vision aussi dans la pénombre, etc. Donc la sensibilité, la vision, la sensibilité à la pénombre. Et puis il y a aussi trois types d'opsines qui permettent de percevoir le rouge, le vert et le bleu. Et c'est pour ça qu'ici on est capable de voir la différence entre le rouge et le noir sur ce drapeau par exemple, ou entre le rouge et le vert. Hein. Par contre, chez d'autres animaux, il y a moins d'opsines que chez nous. Chez tous les mammifères, à part certains primates, il n'y a pas de différence entre la perception du rouge et le vert. Ils sont daltoniens. Et chez l'humain, d'ailleurs, une mutation, une simple mutation, donc ça c'est une autre façon d'approcher la fonction d'une protéine, c'est de voir qu'est-ce qui se passe quand elle est mutée, ou d'un gène. Et bien chez l'humain, il y a aussi des humains pour lesquels un des gènes de l'opsine est muté. Ça veut dire qu'ils perçoivent encore le rouge, mais ils ne peuvent plus faire la différence entre le rouge et le vert. Mais ils peuvent par contre faire la différence entre ce qui est rouge ou vert et ce qui est bleu. Et puis d'autres humains, ils peuvent avoir les trois opsines mutées, c'est plus rare. Et ceux-là, ils ont uniquement une perception en noir et blanc. Donc c'est différents types de daltonisme. Pour l'hémoglobine, un type de mutation qui est assez connu, il y a une mutation de l'hémoglobine qui fait que l'hémoglobine est beaucoup moins fonctionnelle. Et ça provoque, en fait c'est moins fonctionnel parce qu'elle n'a pas cette forme-là. Sa forme est tout à fait changée par une mutation d'une seule lettre dans le gène de l'hémoglobine. Il y a une seule mutation ponctuelle qui fait que La molécule est tout à fait déstructurée, pas tout à fait, mais elle est en partie déstructurée. Et les globules rouges, au lieu d'être des petites soucoupes, d'avoir la forme de soucoupes volantes qu'on connaît bien, elles ont des formes de faucilles. Et cette maladie-là, qu'on appelle drépanocytose, ou l'anémie falciforme, parce que les globules rouges ont une forme de faucille, cette maladie-là, elle est très délétère. Les gens qui souffrent de cette maladie sont affaiblis, c'est une maladie qui provoque de gros problèmes. Mais en Afrique, on en trouve plus qu'ailleurs dans le monde, parce que cette maladie-là, elle protège de la malaria. Donc ça, c'est un des exemples qu'on ressort toujours, d'exemples de caractère, de différences génétiques. Hein. Une seule mutation d'un seul gène qui fait qu'une protéine est mal formée, mais elle est toujours à moitié fonctionnelle. Donc ça, ça a été contre-sélectionné dans l'évolution, sauf dans certains endroits, parce que ça confère une protection à une maladie, la malaria. Oui, Franck ? Il n'y a pas 21 protéines, il y a 20 acides aminés. Il y a 20 acides aminés qui entrent dans la composition des protéines. Il existe d'autres acides aminés. Mais... 20. Alors, on pourrait imaginer tout à fait que d'autres acides aminés entrent dans... Alors, beaucoup plus... on peut tout imaginer, c'est-à-dire qu'on pourrait non seulement imaginer, mais aujourd'hui on pourrait même synthétiser, par exemple, des génomes qui soient basés non pas sur 4 acides aminés, sur 4 nucléotides. Donc toi tu me poses la question pour les protéines, mais je reviens même à l'échelle du génome. Il n'y a que 4 résidus dans le génome. Il y a A, C, G, T. Mais on pourrait imaginer des génomes qui soient composés de 5 nucléotides. Et aujourd'hui, il y a tout un projet qui s'appelle la biologie synthétique, avec des gens qui sont en train d'imaginer des manières de faire d'autres mondes vivants. Alors, pourquoi ? Ben, je pense qu'il n'y a pas une raison, il n'y a pas une très forte contrainte pour ça. C'est-à-dire que c'est contingent. Je pense réellement que c'est quelque chose de contingent. Ça aurait pu être autrement. Contrainte combinatoire. C'est pas... Alors non. Par contre, il y a une contrainte combinatoire. Une contrainte combinatoire qui est la suivante. C'est que, entre guillemets, ce qu'on appelle... Alors, on va toujours faire des analogies par rapport au texte. C'est-à-dire que on va parler de lettres pour adénine, etc. On va dire que les chromosomes sont informatifs, mais qu'on peut les représenter avec un texte d'un alphabet de 4 lettres, ACGT. Et que les protéines sont écrites, entre guillemets, dans un langage qui est composé d'un alphabet de 20 lettres. Alors, si je maintiens cette analogie par simplification, tout en sachant qu'il s'agit de molécules tridimensionnelles, etc. Mais si je maintiens cette analogie, là, il y a un aspect combinatoire. C'est que pour qu'une molécule d'ADN qui est faite avec 4 lettres différentes puisse donner l'information concernant la succession de lettres dans un alphabet de 20 lettres, ben forcément, il faudra plus qu'une lettre de l'ADN pour spécifier une lettre de la protéine. Et plus précisément, si j'ai une lettre de l'ADN, j'ai 4 possibilités. Si j'ai une succession de 2 lettres, j'ai 4 fois 4 possibilités. Et si j'ai une succession de 3, donc 4 fois 4, ça fait 16, c'est pas encore assez. Et avec 3 lettres, j'ai assez. J'ai 64 combinaisons possibles, il y a 20 acides aminés, et de fait, donc, les codons, ce qu'on appelle un codon, c'est une unité d'ADN qui est suffisante pour spécifier un acide aminé. Alors évidemment, j'ai, du point de vue de la combinatoire, j'ai 64 combinaisons possibles alors qu'il n'y a que 20 acides aminés, et il y a donc une redondance du code génétique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs codons qui codent pour le même acide aminé. Ouais. Par rapport au gène, l'unité que constitue le gène, elle est déterminée par quoi ? C'est-à-dire pourquoi un gène commence à un certain endroit, finit à un certain endroit ? Enfin, pourquoi on ne peut pas diviser en plus Alors, la succession oui, effectivement. Alors ça, c'est une question pour laquelle c'est marrant parce qu'il y a... je me suis tombé là-dessus à la gare hier. L'hérédité sans gène. Alors c'est le dossier pour la science, c'est un peu... c'est un peu comme tous les dossiers pour la science, c'est très, il y a un côté un peu démagogique dans la manière de faire les titres, etc. Mais il y a un article, qu'est-ce qu'un gène ? C'est le premier article. Et là, il explique un peu l'historique du concept de gène. Alors, initialement, un gène, bon, c'est une séquence continue d'ADN qui est associée à un caractère phénotypique. Initialement, on définit les gènes par l'effet qu'ont les mutations. Donc, par exemple, la génétique elle a commencé, on peut dire, vraiment à la naissance du XXe siècle. Dans les années 1910, il y a Morgan qui a isolé des mutants de drosophiles, et notamment, il y a des mutants chez lesquels la mouche, au lieu d'avoir des yeux rouges, a des yeux blancs. Donc, ce mutant-là, on l'appelle « white ». Et on constate qu'il y a différents types de mutations qui vont taper au même endroit dans le chromosome et qui vont toutes avoir le même phénotype, c'est-à-dire c'est des mouches qui ont des yeux blancs. Et donc si on fait une mutagénèse assez poussée, ben, on va a priori considérer le gène comme la région chromosomique qui, quand elle est mutée, provoque le même effet qui est qu'on a une perte de la coloration des yeux. Donc, initialement, on peut dire qu'il y a une définition du gène qui est liée au phénotype, à la fonction. La fonction de ce gène est de coder pour une protéine qui est le pigment rouge de l'œil de la drosophile. Et quand le gène est muté, on a un œil blanc, donc on donne au gène le nom du phénotype mutant, le nom de ce que provoque son absence. On donne au gène le nom de ce qu'il ne fait pas, de ce qui manque quand il n'est plus là. Dans les années 70, on commence à faire de la biologie moléculaire. Et là, les gens commencent à définir les gènes sur base de la séquence d'ADN, justement, parce qu'on peut caractériser cette séquence. Alors, il y a une sorte de confusion très fréquente, c'est que la plupart des gens, dans première approximation, vont dire un gène, c'est un segment de l'ADN qui code pour une protéine. Mais ça, c'est insatisfaisant parce qu'il y a des tas de gènes qui sont non codants. Par exemple, dans le génome, il y a aussi des parties de gènes qui vont faire un ARN, un acide ribonucléique, mais qui ne code pas pour une protéine, mais cet ARN va avoir une autre fonction. Par exemple, ARN de transfert, ARN ribosomique, etc. Mais même donc, même pour ceux qui codent, ce que tu viens de dire, un codon, ça peut être simplement trois lettres. Mais donc, ouais. Trois lettres, ce n'est pas un gène. Les gènes peuvent être composés, je ne sais pas combien de paires de bases. Ouais. Bah, je vais faire un petit schéma. En fait, je représente ici mon ADN. Et donc ici, il faut imaginer une succession de lettres, A, T, C, G, G, C, C, T, T, A, etc. Là, imaginons que c'est le premier chromosome humain, bah, c'est une séquence comme ça qui fait 250 millions hein, de lettres sur ma représentation. Alors, dans cette partie-là, en fait, dans ce gène, il y a un endroit où certaines protéines vont se lier, des protéines qu'on appelle ARN polymérase. Alors, c'est un gros complexe avec 25 protéines qui va reconnaître un endroit spécifique de ce chromosome. Du chromosome, pour le moment, je ne parle pas de gène. Du chromosome. Et à cet endroit-là, cet ARN polymérase va synthétiser, alors je vais mettre de ce côté ici mon ARN polymérase, voilà, j'ai une grosse patate protéique comme ça. Cet ARN va commencer à avancer le long de l'ADN en synthétisant une autre molécule qu'on appelle de l'ARN. Donc, ma polymérase va avancer le long de l'ADN et elle va synthétiser une molécule qu'on appelle l'ARN et qui ressemble très fort à l'ADN. En fait, c'est aussi une molécule qui est un polymère de nucléotides. Au lieu d'avoir une double hélice, c'est une simple chaîne, mais on a les mêmes quatre possibilités de lettres, adénine, cytosine, guanine, et alors à la place de la thymine, on en a une autre, l'uracile, mais c'est équivalent du point de vue de l'information. Il y a quatre possibilités. Et cet ARN, en fait, donc ceci, certaines personnes vont dire, bah, le gène il commence là et il se termine à un endroit où l'ARN polymérase s'arrête, elle se dégage de l'ADN et puis elle va refaire son boulot ailleurs. Hein. Et donc là on a un ARN, et cet ARN là, il y a un endroit ici qui commence toujours par la fixation de lettres ATG. Et ça c'est ce qu'on appelle le codon start. Et à cet endroit là, il y a une autre machine moléculaire, qui sont les ribosomes, qui vont se lier et qui vont commencer à synthétiser une protéine. L'ATG va toujours correspondre à une méthionine. Et donc c'est un des 20 acides aminés. Et puis après, il y aura un autre codon ici. Par exemple, donc après cet ATG, j'ai un TAA. Et le TAA va correspondre à un autre acide aminé. Je ne connais pas le code par cœur, mais. Donc chacune des successions de. J'aurai G, T, G par exemple, et ça va correspondre à un autre acide aminé. J'aurais peut-être pas dû mettre le. Bon, le TA, j'aurais peut-être pas dû mettre parce que c'est le codon top. Je vais mettre un TAT ici, voilà. Et puis je continue. Et puis il y a un moment. Donc on va continuer. Et en fait, ce que va faire le ribosome, c'est de composer une sorte de chapelet progressivement. Il va composer un chapelet d'acides aminés. Et puis, il y a un moment où il y a un codon, par exemple TGA ou TAA. Je ne me souviens plus du troisième, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc il y en a un troisième. Parmi les 64 triplés possibles, il y en a trois qui veulent dire ici, stop, on s'arrête. Et là, ma protéine est faite. Enfin, elle est faite. Elle est assemblée, la première partie de l'assemblage est faite. Et puis elle va commencer à se reployer sur elle-même. C'est ce qu'on appelle le reploiement de la protéine. Elle va acquérir sa forme tridimensionnelle. Au départ, c'est juste une succession, un chapelet d'acides aminés, mais en fonction de leur forme, alors je mets des petits bouts comme ça, mais ils n'ont pas du tout la même gueule. Quoi. Il y en a qui sont assez gros, il y en a qui sont petits, il y en a qui sont très chargés positivement, il y en a qui sont chargés négativement, il y en a qui sont hydrophiles, il y en a qui sont hydrophobes. Donc ils ont chacun une propriété un peu particulière. C'est comme un collier sperme avec des spermes complètement différentes les unes des autres. Et du coup, selon la succession particulière de ces acides aminés, la protéine va adopter une forme ou une autre. Certains morceaux de protéines, par exemple, vont former des hélices. Ils sont gros comment alors, ça, l'épaisseur de ceci. Ah, tu veux dire la grosseur des lettres ou dans la réalité? La grosseur des molécules, hein. On va faire des lettres plus grosses, mais. Ceci, c'est des nanomètres. Donc ici, c'est typiquement de l'ordre. C'est ça, c'est une dizaine de nanomètres, je pense, l'épaisseur de l'ADN. Ici, typiquement, l'épaisseur ici, ça doit être de l'ordre de. C'est quelques angströms. Donc angström, les angströms, c'est le nom d'un monsieur qui a défini ça. C'est un. Alors oui, justement, je vais. Donc, vous savez tout ce que c'est un mètre. Okay. Le millimètre, c'est un millième de mètre. Le Le micromètre, c'est un millième de millimètre. Le nanomètre, c'est donc un mètre, c'est un milliardième. Et l'angstrom, c'est un dixième de nanomètre. Alors ici, c'est de l'ordre, quand je dis que c'est de l'ordre de l'angstrom, c'est plutôt, je crois que c'est 5 angstrom de diamètre, ou 3, je ne sais plus, il y avait un 3,4. Je crois que 3,4, c'est. Ça se passe en 3, c'est ça. Je ne connais pas les détails, je me souviens plus précisément. Mais c'est de l'ordre de l'angstrom. C'est sous le nanomètre. C'est petit. C'est petit. Donc le gène, maintenant, on dit que c'est un codon STARC, c'est un gène. Pour les gènes qui codent, on va dire ça, voilà. Si la question est sur la granularité, alors oui, on peut dire que pour les gènes codants, certains biologistes moléculaires ont dit que le gène commence au codon STARC, il finit au codon stop. Mais les généticiens, ils ne vont pas être d'accord. Parce qu'ils vont dire, si j'ai une mutation qui vient taper ici, par exemple, elle n'est pas dans la partie codant, mais cette mutation-là, et ça on les connaît bien avec les médecins non plus d'ailleurs, je peux avoir une mutation ici qui fait que la machinerie qui sert à transcrire le gène ne va plus fonctionner. Donc ce gène, il est toujours là. Il n'y a pas de mutation dans la partie du codon start ou au codon stop. Dans la partie codante, il n'y a rien qui a bougé. Mais il suffit qu'il y ait... Enfin, il suffit. Dans certains cas, s'il y a une mutation dans la partie non codante, le gène ne s'exprime plus, et donc on a le phénotype mutant. Donc le généticien, pour qui le critère du gène, c'est le phénotype, va dire, ben, mon gène, il inclut ceci. Par contre, le biologiste moléculaire qui s'intéresse à... quelqu'un qui s'intéresse plus au niveau de la protéine, ou bien certains biologistes moléculaires qui n'ont pas de culture et qui ne savent pas ce que c'est la génétique, parce que c'est de plus en plus fréquent aujourd'hui, eh ben, ils ne vont pas se rendre compte que le gène, ça ne commence pas ici. Alors, maintenant, peut-être, justement, qu'est-ce qui peut se passer? En fait, les génomes sont bombardés de mutations. À chaque... Sans influer sur l'ADN, alors finalement, l'ADN reste toujours... le génome, si j'ai bien compris... Le génome, c'est l'ADN. Non, mais l'ADN, elle est comme si tu une filiation, une identification. Elle est toujours la même, je veux dire. Alors oui. Alors, en d'ailleurs, ça bouge. En principe, oui, en pratique, non. Alors, l'ADN, donc, sur le schéma que vous avez là, où on voit la molécule d'ADN... C'est une excellente question pour passer à la partie de gauche, de droite. Si vous avez structure de l'ADN et réplication. Là, j'ai mis le titre réplication au-dessus de l'ADN. Et en fait, quand Francis Crick et James Watson ont découvert la structure de l'ADN, quand ils l'ont caractérisé, ils ont dit il ne nous échappe pas que cette structure, non seulement nous éclaire sur la manière dont l'ADN peut apporter de l'information, mais aussi sur la manière dont cette information peut être transmise d'une génération à une autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, la structure en double brin, et ça c'était vraiment génial quand ils ont découvert ça, c'était inattendu. Enfin, inattendu. Personne n'avait compris ça avant qu'eux comprennent. C'est vraiment un beau travail d'avoir compris ça. C'est de dire, d'abord, ils ont caractérisé la structure, à partir de structures qu'ils avaient d'ailleurs. Ils n'ont pas fait les manips eux-mêmes. Les manips ont été faites par Rosalind Franklin, et le patron de cette Rosalind Franklin, qui s'appelle Wilkins, a donné les données de sa doctorante à James Watson et à Francis Crick. Ils travaillaient ensemble, ils faisaient des séminaires ensemble et tout, mais il leur a donné les données, et c'est eux qui ont compris ce que ces données voulaient dire. Elle travaillait dessus depuis longtemps, elle n'était pas encore arrivée à la solution. Mais eux, ils ont compris ce que ça voulait dire, ils ont publié l'article, et ils ont eu le prix Nobel à trois, Francis Crick, James Watson et Wilkins, le patron. Mais pas la fille qui avait fait les mains. C'est un des grands scandales de la biologie moléculaire qui a été souvent maintenant, il y a des bouquins entiers qui parlent de ça, etc. Hein. On lui a rendu hommage entre temps, mais pas le prix Nobel, je dirais. L'histoire lui a rendu raison. Mais, indépendamment de ça, ce qui était génial quand même, bon, parce que c'est les deux gars qui ont compris le machin, c'est quand même, ils ont fait un coup de travail. Quoi. Et ce qui était génial là-dedans, c'est qu'ils ont tout de suite compris que le fait que ce soit en double brin, alors ça justement, c'est ce que je ne vous ai pas encore expliqué, c'est que ce que vous voyez, si vous regardez maintenant un petit peu plus en détail la partie structure de l'ADN, vous voyez que chaque fois qu'il y a une petite barre jaune, elle est en face d'une barre orange, et chaque fois qu'il y a une barre orange, elle est en face d'une barre jaune. Enfin, forcément. Et puis chaque fois qu'il y a une barre bleue, elle est en face d'une violette. Donc il y a un appariement des bases, hein, qui est systématique, qui est lié vraiment aux propriétés physico-chimiques de la molécule. Ces molécules-là ne peuvent s'apparier que de cette façon-là, sauf erreur. Alors cette erreur, je vais y revenir, c'est celle-là qui provoque les mutations. Mais en général, c'est ça l'appariement chimique optimal. Et de cette là, ça veut dire que du point de vue de l'information, on a vraiment l'information sur chacune des deux moitiés de l'ADN. On a deux chaînes, c'est une double hélice, mais si je les sépare en deux, chaque hélice porte en miroir l'information de l'autre hélice. Cette double hélice, en fait, porte l'information en double. Et du coup, chaque hélice peut servir de modèle pour resynthétiser, enfin, chacune des hélices peut servir de modèle pour resynthétiser une double hélice complète. Et ça, d'emblée, Francis Crick et Watson, ils l'ont dit à la fin de leur article, c'est les trois dernières phrases, ils disent, ceci permet de comprendre comment la molécule d'ADN peut servir de modèle pour la réplication. Et la notion de séquençage, c'est aussi dès le départ des 53, ils ont cette idée en tête. Non, à l'époque, pas. Ils ne font pas du séquençage, c'est plus moderne. En 53, ce qu'ils ont fait, c'est travailler sur des structures tridimensionnelles. Ils faisaient des cristaux, c'est ça qu'a fait Rosalind Franklin. Elle a réussi à cristalliser cette molécule d'ADN pour pouvoir le passer dans un microscope électronique. Et puis elle a obtenu une trace qui était extrêmement complexe à analyser. Et à partir de la trace de projection d'électrons, donc quand on a un cristal, comme ça on projette des électrons dedans, et puis ils sont réfractés, donc ils rebondissent en fonction des molécules qu'ils rencontrent, et ils vont s'écraser sur un écran. Et puis on a une image avec plein de points partout qui représente le résultat d'une trajectoire d'un faisceau qui rebondit sur une structure extrêmement complexe. Donc on peut imaginer si on mettait une statue au milieu de la pièce et puis j'envoie un faisceau d'électrons et puis ça rebondit dans tous les sens. Et la seule chose dont je dispose après, c'est la projection de tout ce qui a rebondi sur les murs. Et je dois inventer la forme qu'avait la structure tridimensionnelle à partir de la projection sur les murs. C'est vraiment ça le travail des cristallographes à l'époque. Mais ils ne font pas du séquençage, ils font vraiment ce travail-là. À partir d'une projection comme ça, ils essayent d'intégrer la structure. Et la notion, elle est au départ ou elle est beaucoup plus tard? Elle arrive plus tard. En 70, des techniques permettent de digérer progressivement une molécule d'ADN. Et à partir de cette digestion, à chaque morceau qu'on digère, on a une espèce de Pac-Man moléculaire qui mange un petit bout. Et puis on caractérise à chaque fois quel est le petit bout qui a été mangé. Et donc ça, ce séquençage, c'est les années 70. Mais avec des méthodes qui permettaient de séquencer des petits bouts de 100, 200, 300 paires de bases. Et puis c'était extrêmement laborieux. Et puis dans les années 90, on a accéléré ces méthodes-là assez drastiquement. On les a automatisées avec des robots pour la lecture, pour le processing, pour le travail de la molécule. Et puis dans les années 2000, nouvelle révolution technologique qui permet de séquencer toujours par fragments, mais des milliards de fragments pour peu de coûts. Pour en revenir à la, oui, pardon, je vais terminer là-dessus. La méthode de réplication, c'est effectivement que, et ça c'est ce que vous avez dans la partie de droite, donc réplication de l'ADN, c'est qu'il y a des molécules spécialisées, des protéines spécialisées, et donc ça c'est un autre rôle de certaines protéines, c'est d'assurer la réplication, d'assurer la synthèse des protéines elles-mêmes, etc. Les protéines font tout le boulot, quoi. C'est vraiment les acteurs cellulaires. Il y a l'information qui est dans l'ADN, et puis les effecteurs sont les protéines. Et donc la réplication, elle est basée sur le fait qu'il y a une séparation des deux brins, et sur chacun des deux brins, on reconstruit le miroir, et à partir d'une seule chaîne, d'une seule double hélice, on fait deux doubles hélices, en se servant de chacune des simples hélices comme modèle pour faire la deuxième. Oui, voilà. J'avais cru comprendre dans des documentaires, parce que des documentaires différents sur la structure du vivant en général, que quand on venait à la conclusion, que tout était issu de la même structure ADN. L'ancêtre commun. Parce qu'après, il y a l'histoire de le gène, c'est différent pour chaque individu. C'est ça, qu'est-ce qui fait la diversité en dépit de l'origine commune? Qu'est-ce qui est commun? Alors, ce qui est commun à tout le vivant, c'est le code, justement. Ce qui est commun à tout le vivant, on pense que le vivant, en fait, quand tu demandais, Franck, tiens, pourquoi il y a 20 acides aminés, le vivant aurait pu apparaître autrement. Et il aurait pu apparaître avec... Le code est complètement arbitraire. Pourquoi est-ce que la succession de trois nucléotides A, T, G correspond à l'acide aminé méthionine? C'est complètement arbitraire. Et c'est d'autant plus... On a des preuves que c'est arbitraire parce que... Alors pour la méthionine, ça c'est universel. Le code est quasiment universel. C'est-à-dire dans presque tous les êtres vivants, il y a la correspondance entre les 64 codons, les triplets de nucléotides, et les 20 acides aminés est la même. Et c'est pour ça qu'on peut exprimer, par exemple, le gène de l'insuline humain en 1983. On clone le gène de l'insuline humain dans une bactérie, chez E. coli, et on commence à produire, faire produire l'insuline dans des containers pour soigner les diabètes, mais à partir d'insuline produite par des bactéries. Ça, c'est parce que le code est le même entre l'humain et une bactérie. Et donc ça, c'est un des arguments très forts pour dire que la vie, tout ce qu'on connaît aujourd'hui de la vie, résulte d'un seul ancêtre commun, d'une seule forme ancestrale commune de vie, qui était vraisemblablement quelque chose qui ressemble à ce que sont les bactéries aujourd'hui. Alors il y a d'énormes débats sur à quoi pouvait ressembler cette bactérie. Est-ce que c'était une bactérie avec un petit génome, au contraire, avec un gros génome, avec plein de gènes, et qu'il y a eu une perte de gènes au cours de l'évolution? Il y a un débat assez intéressant là-dessus actuellement parmi les biologistes. Mais de toute façon, ce sur quoi tous les biologistes sont d'accord, c'est que la vie qui existe aujourd'hui résulte d'une seule apparition de la vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres formes de vie qui ont disparu, parce que cette forme-ci de vie a occupé tout l'espace finalement. Mais tout ce qu'on connaît aujourd'hui, qu'on qualifie de vivant, résulte de cette origine commune. Alors pourquoi est-ce que les choses sont différentes? Mais justement, c'est le point essentiel, c'est la mutation. C'est-à-dire que au cours de ce processus de réplication qu'il y a là, il y a aussi des machines moléculaires, un gros assemblage de protéines qui s'appelle l'ADN polymérase, la polymérase à ADN. Donc la polymérase à ARN, elle utilise l'information de l'ADN pour fabriquer un ARN qui servira à faire une protéine. Et puis il y a une autre machine moléculaire qui s'appelle la polymérase à ADN et qui fait la réplication. C'est-à-dire qu'à partir d'un ADN, elle fait deux ADN identiques. Identiques sauf quand elles se trompent. C'est-à-dire, sauf quand, occasionnellement, elle est positionnée d'une telle manière qu'elle va catalyser l'assemblage non pas d'une adénine avec une thymine, mais d'une adénine avec une cytosine. Bah, ça arrive. Ça arrive une fois toutes les 10 000 ou tous les 100 000 ou tous les millions de paires de bases, ça dépend. Chez les bactéries, on pense que ça peut arriver jusqu'à une fois toutes les 10 000 paires de bases. Mais après, il y a des mécanismes de réparation. Parce que cet ADN-là, il va être un peu mal formé. Il y a d'autres enzymes qui peuvent éventuellement réparer certaines erreurs. Mais pas toujours. Et alors, quand il y a une erreur qui n'est pas réparée, ça fait une mutation. Et une mutation, qu'est-ce que ça fait? Alors, qu'est-ce que ça fait une mutation? Eh bien, une mutation... Pardon? Ça fait quoi? Un truc à l'usage. Mais si vous tournez la page maintenant, une mutation, ça fait une différence entre des individus. Initialement, ça fait une différence entre des individus au sein d'une population, puisque un mutant, à cet endroit-là, il va avoir une lettre différente d'une autre. Alors là, je vous montre des variations interindividuelles chez l'humain. Enfin, là, bon, là, c'est pas chez l'humain, c'est le concept. Je vous montre des variations interindividuelles. Et en tout cas, des types de variations qu'on trouve entre différentes personnes, hein, donc des endroits où le génome est différent entre différentes personnes. Un type qui est très très fréquent, c'est ce qu'on appelle des microsatellites. Alors ça, c'est des erreurs de copie en fait pendant la réplication qui sont liées au fait que à certains endroits dans notre ADN, il y a des séquences répétitives. Par exemple, CAG, CAG, CAG, CAG, CAG. Et à cet endroit-là, c'est plus facile de faire une erreur. Enfin, il peut y avoir, là, ce n'est pas des erreurs de réplication, c'est des erreurs de recombinaison. Je ne vais pas vous donner les détails techniques. Mais à cet endroit-là, occasionnellement, au cours de la division cellulaire, il arrive qu'il y ait une copie en plus de la répétition. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 6 copies du CAG, on va avoir 7 copies, ou 8, ou 9. Et donc, selon les individus dans cette population-ci, par exemple, dans la salle ici, il y a un gène qui est le gène de l'huntingtine. Donc c'est une protéine qui s'appelle comme ça parce que la personne qui a des c'est une protéine qui est associée à une maladie. Cette maladie s'appelle la chorée de Huntington. Et c'est une maladie qui est liée à une variation du nombre de répétitions dans un gène. Un seul gène. Donc c'est une maladie qui est liée à un seul gène pour lequel le nombre de répétitions de ce codon-là, CAG, CAG, CAG, diffère d'un individu à l'autre dans la population. Et chez les individus qui n'ont pas de problème, qui n'ont pas la maladie, on trouve moins de 20 copies, donc il y a une partie répétitive, donc c'est chaque fois le même acide aminé qui est concaténé plusieurs fois. Mais chez certains individus, on retrouve jusqu'à, au lieu de trouver 20 copies, une succession de 20 fois le même résidu dans la protéine, hein, on aura une lettre la même, on l'aura 20 fois. Et chez certains, on a 30 fois, 40 fois, 50 fois, 60 fois. Et ces individus-là, ils vont commencer à présenter des troubles neurologiques. Alors, en général, ça se présente vers 40-50 ans. Il y a un chanteur très connu qui a eu ça, c'est Guthrie, le père, pardon, de Free. Woody the Free. Et son fils aussi d'ailleurs. Et son fils a fait un film sur le père, qu'on a vu récemment, Woody the Free. Et il avait la maladie de Huntington. Et en fait, donc, c'est des gens qui, à un moment, commencent à. Bon, c'est une forme de dégénérescence sinistre, quoi. Mais chez certains individus, ça vient beaucoup plus tôt, à 25 ans. Et ça, c'est les individus qui ont 60 copies de la répétition. Une répétition. Ça, c'est une mauvaise transcription. Pardon ? Ça, c'est une mauvaise transcription. C'est pas une mauvaise transcription, c'est un problème à la. Mais c'est pas. Oui, en fait, celui-là, c'est particulier, c'est pas la réplication, c'est la méiose. Mais ça, je ne vais pas parler de la méiose. Un autre exemple, c'est celui de la maladie de. Attends, je vais juste. Non. Le deuxième type de Parkinson, ça, on ne connaît pas les facteurs, en fait. On les connaît pas. J'aimerais que vous parliez de. Il y a marqué désordre bipolaire. Oui, je vais en parler. Les psychiatres, bon, on ne parle que de ça. Oui. On ne voit partout que des bipolaires, alors ça m'intéresserait de préciser. Oui, je vais préciser ça. Je vais préciser, oui, justement, c'est un des problèmes. Oui, ok. Non, parce que tu as commencé par dire que c'est l'apparemment AP ou CG qui pouvait être. Ouais. Et ça, ça donne quoi ? Alors, ça, c'est justement le schéma d'en bas, c'est-à-dire que le SNP, single nucleotide polymorphisme, j'ai dû commencer par celui-là. Ça, c'est ce qui se passe quand il y a une erreur de réplication. C'est-à-dire, si la polymérase à ADN, au moment où elle est en train de faire deux copies de l'ADN à partir d'une seule, elle fait une erreur, elle va insérer un nucléotide à la place d'un autre. Et alors, chez un individu, à cet endroit-ci, on a la succession CAGTGC. CAGTGCG AGGG, et chez l'autre, à la place du GAGGG, à la fin, on a GCGGG. Non, GGGG, pardon. Plus fort, on ne parle pas. D'origine commune du vivant et de mutant. Ouais. Parce que, étant donné que chaque individu vivant est différent, ouais. Dans ce cas-là, quelque part, on est tous mutants parce qu'il n'y a ouais. Jamais de répétition. On est pire que ça. Merde, non, c'est largement plus. Effectivement, tu as bien me ramener à la question. Donc, ces mutations, ça fait des différences, en fait, initialement, même pas entre deux individus, ça fait des différences entre une cellule et les deux cellules filles. Et donc, dans votre corps, si aujourd'hui, on peut le faire, hein, on prélève quelques cellules de votre bras gauche ou quelques cellules de votre rein, ou enfin, on peut faire des trucs moins invasifs, un petit peu du bras gauche et un petit peu de l'oreille, eh bien, si on séquence complètement le génome, il y a quelques endroits où on va trouver des lettres différentes. Et on pense qu'il y a, à chaque division cellulaire au sein d'un organisme, une dizaine de mutations ponctuelles comme ça, des erreurs donc, pour chaque division cellulaire. Alors, évidemment, ça veut dire que dans notre corps, la cellule a un génome un tout petit peu différent, c'est une dizaine de différences sur 3 milliards de lettres. Et la plupart du temps, ça n'a absolument aucun effet. Mais de temps en temps, ces mutations-là, les substitutions, comme le single nucleotide polymorphisme, donc je vais dire SNP à partir de maintenant, SNP, côté SNP, ils vont tomber soit dans la région codante d'un gène, et ça, c'est le cas de l'anémie falciforme. L'anémie falciforme, c'est une maladie qui est due au fait qu'il y a une seule lettre dans le gène de l'hémoglobine qui est changée. Et cette lettre-là fait qu'il y a un des acides aminés qui forment la protéine qui est changée. Et de ce fait-là, comme cet acide aminé est changé, ça fait une sorte d'hernie dans la protéine qui fait que l'hélice qui se forme d'habitude ne peut plus se former. La protéine est conformée d'une façon tout à fait différente. Et du coup, elle ne peut plus assurer sa fonction normale. Et les globules rouges ont cette forme de faucille, etc. Donc, une seule mutation dans une seule lettre du génome, parfois, peut provoquer une déformation d'une protéine qui provoque une maladie. Ça, c'est un cas. Mais la plupart du temps, les mutations, elles ne font pas grand-chose de perceptible. Et donc, la plupart des. Elles font toutes les. Alors, mais ça, c'est perceptible, par contre. Et alors, il y a beaucoup de mutations qui font des différences perceptibles, mais qui ne sont pas pathologiques. Et notamment, ça fait qu'on va. Enfin, toutes les différences entre individuels ici, morphologiques, elles sont dues à deux choses, enfin, ou à. Soit à les mutations des différents génétiques, soit aussi à toute l'histoire de notre vie. C'est-à-dire qu'il y a des tas de caractères de notre morphologie qui sont liés à nos habitudes alimentaires, de sport, à tout ce qui nous est arrivé depuis qu'on est né, etc. Mais il y a aussi toute une partie des différences qui sont des différences qu'on appelle génétiques et qui sont liées justement à ça. Alors ça, c'est les différences entre les individus d'une même population. Mais ça nous amène à la différence entre les espèces, puisqu'il y a cette espèce de paradoxe qu'on est quand même extrêmement différent d'une bactérie, et néanmoins on aurait un ancêtre commun. Et là, ça c'est toute la théorie de l'évolution de Darwin enfin, Darwin a posé les jalons de cette théorie de l'évolution, enfin, il a posé les bases de cette théorie de l'évolution, et puis ça a été repris au XXe siècle. Ça a été intégré avec la biologie moléculaire et génétique, dans ce qu'on appelle la théorie synthétique de l'évolution. Et toute l'idée, c'est que ces différences entre les individus d'une population, c'est eux qui vont prêter le flanc à la sélection, et des groupes de populations qui vivent dans des environnements différents peuvent se développer différemment au fil des générations, parce que certaines variations vont leur conférer des avantages pour survivre dans l'environnement où ils sont. Par exemple, une bactérie pourrait avoir une enzyme qui lui permet habituellement de dégrader du glucose et donc de consommer ce glucose. Et puis des mutations dans cette enzyme-là vont faire qu'elle va un tout petit peu changer sa forme, la protéine, et cette protéine va lui permettre de dégrader un autre type de sucre. Et ça va permettre à cette bactérie de coloniser un autre environnement où il y a peut-être moins de glucose, mais où il y a d'autres types de sucre. Et on pense que vraiment l'évolution fonctionne de cette façon. C'est un autre énorme débat, celui de l'évolution, mais... Donc, ce qui est important là-dedans, c'est que cette information primaire qui est dans le génome, elle permet d'une part de fabriquer des protéines qui sont les effecteurs moléculaires, qui sont les effecteurs parce que c'est les enzymes sont des protéines, les transporteurs moléculaires, tout ce qui transporte du sucre à l'intérieur d'une cellule, c'est des protéines. Et chaque cellule va fabriquer un certain nombre, enfin synthétiser, oui, fabriquer certaines protéines spécifiques, par exemple les cellules du foie, quand on mange du sucre, eh bien, elles synthétisent des enzymes qui permettent de consommer le sucre. Par contre, quand on manque de sucre, les mêmes cellules du foie synthétisent d'autres enzymes qui permettent de fabriquer du sucre à partir de l'acide acétique ou du pyruvate. Par contre, les cellules du cerveau, elles fabriquent des enzymes qui permettent de digérer le sucre, parce que la fonction du cerveau, c'est qu'il doit toujours être actif, éveillé, il doit pouvoir consommer du sucre. Donc il y a une spécialisation des tissus aussi. Ouais. Des histoires d'erreur au moment de la réplication. Vous avez dit à l'effet de départ qu'en fait on pouvait avoir entre une cellule d'oreille et une mamelle des toutes petites différences. Oui. Mais est-ce que ça veut dire que lorsqu'on fait le séquençage du génome de la tumeur, on n'est pas sûr à 100% d'avoir exactement le même génome selon les endroits où l'on prend? Oui, absolument. Et ça veut dire qu'en fait on admet un exemple que d'erreur sur, lorsqu'on fait le séquençage d'un génome humain, ouais. Un petit pourcentage d'erreurs qui existent. C'est pire que ça. C'est que forcément, il y a deux types d'erreurs. Il y a des erreurs de séquençage même, c'est-à-dire que quand les machines qui permettent de faire des séquençages, de temps en temps, se trompent à la lecture. Et donc, ils nous donnent des informations fausses. Et ça, c'était un gros problème dans tous les projets de séquençage, c'est que comme ces machines font des erreurs, comment distinguer des mutations qui différencieraient deux individus d'erreurs de lecture, simplement, si deux individus ont exactement le même trait? Donc la stratégie qu'on a appliquée pour ça, c'est que systématiquement, quand on fait le séquençage d'un génome, on séquence plusieurs fois. On séquence, si le génome fait 3 gigabases, on va séquencer 30 gigabases. On fait ce qu'on appelle une couverture de 10 fois, en moyenne. Mais il y a certaines régions qui sont plus faciles à séquencer que d'autres. Enfin, il y a des tas d'aspects techniques liés à ça. Et donc, il y a des erreurs. Mais sur certaines régions, bon, ben, si on séquence 10 fois et qu'on voit qu'on a 10 fois la même lettre chez un individu et 9 fois la même lettre, 9 fois une lettre différente chez un autre ou qu'une fois quelque chose qui n'est pas cohérent, par cohérence, on va dire, chez ces deux individus-là, il y a une différence. Au niveau d'un seul nucléotide, il y a une différence au niveau de ce nucléotide-là. Et si on fait ça pour un grand nombre d'individus, par exemple, peut-être tu avais encore une question, Maïvonne. Non, continue. Ouais. Là, je vais en venir donc, au schéma justement sur le trouble bipolaire, mais le trouble bipolaire, je me réserve pour la fin. Merci. Alors, on peut faire le séquençage comme ça. D'ailleurs, dans les articles, on parle de séquençage multiple, toujours. Et non pas, oui. J'ai vu ça il y a pas longtemps. Watson, notamment celui qui a découvert l'ADN, il s'est fait faire un séquençage multiple. Alors, oui, Watson, donc, il est toujours vivant. Il était pas oui, dans la liste. Il est toujours vivant, en tout cas. Ouais. c'est un drôle de bonhomme. lui, il vient de faire séquencer son génome, ouais. Alors, quand on dit multiple, je ne sais pas si ce qu'il a voulu dire par là, c'est qu'il a pris un seul échantillon, mais qu'il a fait faire un séquençage avec une couverture multiple pour éviter les erreurs, donc ça c'est la procédure classique, ou bien s'il a en plus prélevé différents échantillons de son corps pour le faire séquencer, je ne sais pas si c'est ça que ça veut dire. Mais par exemple, une application vraiment précise de ça, c'est pour l'analyse des cancers. Parce que qu'est-ce que c'est un cancer? Un cancer, c'est une mutation qui arrive, qui part dans le génome, et qui affecte un des gènes qui contrôle la reproduction cellulaire, le cycle cellulaire. En fait, la plupart des cellules de notre corps, elles ne se divisent plus. Les cellules de l'épiderme, de la rétine, du foie, elles ne se divisent plus. Les neurones ne se divisent plus. Une fois qu'une cellule est différenciée, qu'elle a acquis sa forme tout à fait spécifique de sa fonction, elle se reproduit plus, hein, elle se multiplie plus. Mais il y a certaines cellules qui continuent à se multiplier dans notre corps. C'est les cellules souches, on appelle les cellules souches. Et vous pensez, il y a des cellules souches dans la peau qui permettent spécifiquement de reconstituer de la peau. Et vous avez aussi des cellules souches dans la moelle des os qui permettent de faire en permanence les globules blancs pour le système immunitaire. Et donc ça, c'est des cellules qui conservent cette capacité à se reproduire, mais où justement leur taux de reproduction est très très très soigneusement contrôlé par le corps. Et de temps en temps, une de ces cellules, il y a une mutation qui fait que les régulateurs qui permettent de contrôler le taux de reproduction, de faire qu'elle se reproduit à un niveau raisonnable, enfin, le mot est mal choisi, mais à un niveau acceptable pour l'organisme, eh bien, il suffit qu'un de ces gènes soit cassé, ça implique des dizaines de gènes, la régulation du cycle cellulaire, c'est un processus extrêmement complexe, ça implique d'ailleurs des centaines de gènes, et il suffit qu'un seul de ces gènes soit cassé pour que cette cellule-là commence à soit ne plus pouvoir se reproduire, et alors c'est pas grave, elle meurt, soit, dans certains cas, au lieu de ne plus pouvoir se reproduire, c'est l'inverse, elle se reproduit, et puis il n'y a plus rien qui la régule. Et donc elle fait une cellule, deux cellules, quatre cellules, huit cellules, 16 cellules, des millions de cellules, elle envahit tout le corps, ça s'appelle une leucémie, quand il s'agit d'un cellule précurseur de globules blancs. Si c'est une cellule qui est une des cellules souches, qui a quand même quelques cellules dans le cerveau qui ont encore la capacité de reproduire, ben, s'il y en a une d'entre elles qui commence à casser ces mécanismes de contrôle de la reproduction, ben, ça fait un cancer du cerveau, etc. Un cancer du poumon, un cancer du sein, tous les cancers, c'est une cellule pour laquelle, du fait de certaines mutations, la cellule commence à se reproduire sans arrêt. Et elle envahit tout le corps. Enfin, et elle, non. Sa descendance envahit le corps. Donc, ouais. Justement, là, on peut peut-être amener la lymphocyte T. Le lymphocyte T, qu'est-ce qu'il y a ? Le lymphocyte T, donc ça, c'est une des cellules, c'est les globules, c'est une forme des globules blancs, hein, les lymphocytes T. Elle détruit des cellules anormales. Ah oui, c'est juste, tu as raison. Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'heureusement, on échappe à ça, parce que, en fait, ce genre de choses, ça arrive assez fréquemment dans notre corps. Quand je vous parle, il y a peut-être certaines de mes cellules qui sont en train d'entrer en cancer, c'est-à-dire qu'elles sont en train d'entrer en division incontrôlée. Mais ces fameuses lymphocytes ont la capacité de reconnaître un tas de choses nocives pour le corps, y compris les cellules pour lesquelles la régulation du cycle est perturbée. Donc notre système immunitaire va tuer, va vraiment cibler, inactiver, tuer les cellules qui font des démarrages de cancer. Sauf que, occasionnellement, une de ces cellules mutantes va aussi avoir une mutation qui fait qu'elle échappe à la réponse immunitaire. Et du coup, c'est celle-là qui va devenir un cancer. Alors, maintenant, pour revenir à ces études, à quoi ça sert d'avoir les gènes ? Ces différences entre les individus. Donc, j'ai montré sur l'illustration que je vous ai donnée les deux exemples de différences tout à fait classiques entre des individus. Il y en a d'autres, hein, mais ces deux exemples qu'on utilise justement pour le génotypage, c'est le sujet d'aujourd'hui, j'ai un peu plus poussé là-dessus, c'est les SNP, donc des différences, une lettre qui diffère entre deux individus, et les microsatellites, c'est-à-dire une région répétitive qui est répétée un nombre variable de fois selon les individus. Donc, les microsatellites, c'est ce qui était utilisé traditionnellement par la police pour l'identification des personnes. Et ça, c'est ce que vous montre le schéma suivant, celui qui est juste en dessous, un génotypage d'un individu sur base de marqueurs microsatellites. En fait, ce qui est contenu actuellement dans les bases de données de la police, il y a une convention entre toutes les polices européennes pour se mettre d'accord sur les marqueurs génétiques qu'ils utilisent pour reconnaître les individus. Donc, dès le moment où, entre des individus d'une population, certains individus portent 20 répétitions d'un certain triplé ou 27 répétitions ou 40 répétitions, et on va pouvoir se servir de ça en comptant les répétitions pour distinguer des individus. Alors évidemment, un seul microsatellite ne va pas suffire, parce que je vous ai dit par exemple celui de la Huntington, hein, de la maladie de Huntington. Le nombre de répétitions varie entre 20 et 60 dans les pires cas. La plupart des gens ont entre 20 et 30 répétitions, c'est seulement les quelques personnes qui sont malades qui ont plus que dans la répétition. Hein. Bon, dans ce cas-là, ça permet de distinguer une vingtaine de types différents de génomes. Mais si je prends un autre marqueur microsatellite, qui lui a une longueur qui varie entre 10 et 30, par exemple. Ça me sert une vingtaine de possibilités différentes. Je peux les combiner. Et donc, si j'ai une poignée de microsatellites, si j'ai une dizaine de microsatellites et que chacun de ces microsatellites a un nombre variable de répétitions, si je connais le nombre de répétitions de chacun de ces 10 microsatellites, je peux identifier une personne. Alors, une des choses qui est assez importante du point de vue de la protection de la vie privée, c'est que tous les offices de police scientifique se sont mis d'accord pour n'utiliser comme marqueur microsatellite que des marqueurs qui ne sont pas associés à des maladies ou à des caractères reconnaissables. Par exemple, la couleur des yeux, la couleur des cheveux. Hein, on connaît les gènes qui sont responsables. Aujourd'hui, on connaît les gènes qui sont responsables de la couleur bleue ou brun des yeux. Eh bien, la police, délibérément, n'utilise pas cette information. Donc, ce qu'ils utilisent... Pourquoi ? Parce que c'est un... ce serait une atteinte à la vie privée. Alors, ce serait une atteinte à la vie privée de prélever sur des gens qui ne sont pas forcément coupables des éléments qui permettent de poser un diagnostic médical sur eux. Et donc, pour cette médicale, oui. Alors, il est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu paradoxal dans le fait qu'on dit on ne va pas utiliser quelque chose qui est identifiant, que la police ne puisse pas utiliser un marqueur qui soit identifiant, non pas en tant que marqueur génétique, mais aussi en tant que marqueur phénotypique. Hein, donc il y a une différence entre le fait que quelque chose est identifiant, ben oui, le nombre de répétitions d'un microsatellite, c'est identifiant dans le sens où d'un individu à l'autre, ça varie, mais ce n'est pas de caractère prédictif, ça ne permet pas de prédire le phénotype de cet individu, sa morphologie, ses maladies, etc. Hein. Alors, il y a quelque chose de paradoxal, puisque la police veut identifier quelqu'un, pour elle, ce serait extrêmement précieux de pouvoir dire, quand elle découvre sur les lieux d'un viol, par exemple, elle prélève les traces du violeur, et puis elle pourrait vous dire, cette personne-là, les cheveux roux, les yeux verts, il mesure éventuellement, Raymond, hein, il mesure 1m95, etc., etc., il a des moustaches, enfin, donc ça, c'est... Généralement, ce qu'on pourra dire, c'est que, par exemple, en analysant son génome, on va vous dire, c'est un individu qui porte un chromosome Y, donc il s'agit d'un mâle, et c'est déjà un grand pas en avant. Mais pour des conventions, pour le respect de la vie privée, on a dit on n'utilise rien qui permet d'identifier une maladie, ni même un caractère phénotypique non pathologique. Oui. Aujourd'hui, la polyclinique, à quel niveau on est dans la lecture des gènes en phénotype en fait. Donc, si on lit un gène, à quel point est-ce qu'on peut prédire le phénotype ? On peut la séquencer. Oui. Sur la séquence en TGC. Est-ce qu'on peut prédire le phénotype d'un individu ? Oui. Un niveau très faible, aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je dois encore un petit peu encore progresser là-dessus. Ça, ce sera dans les deux figures qui viennent à la page suivante. Mais donc, j'y arrive. Je reviendrai à la question. Mais en résumé, ça c'est justement la partie où on nous promet beaucoup, mais où on peut faire très peu pour le moment. C'est de, à partir du génome, prédire le phénotype, on n'en est pas très loin. Et sans doute qu'on n'ira pas très loin, pour des raisons de complexité, en fait. Parce que la plupart des traits, enfin pour répondre rapidement, je vous parle ici, jusqu'ici je vous ai parlé délibérément des cas les plus simples. Un gène, une protéine, une perturbation, une maladie. J'ai le gène qui code pour la protéine hémoglobine, une mutation ponctuelle, la protéine est mal formée, on a l'anémie falciforme. J'ai le gène qui code pour la protéine qu'on appelle Huntington, qui intervient dans le fonctionnement du système nerveux. Le gène est muté parce qu'il y a trop de répétitions d'un acide aminé, la protéine est perturbée, et avec l'âge sans empire, le système nerveux fonctionne de plus en plus mal, et on a une dégénérescence du système nerveux. Donc là, je vous ai parlé des cas simples, c'est ce qu'on appelle les caractères monofactoriels. Mais en fait, la plupart des caractères sont liés à un tas de gènes différents. Et donc, le phénotype particulier pour ce caractère-là va résulter une combinatoire entre tels tas de gènes, et on ne connaît pas ces gènes aujourd'hui. Et il est même possible qu'on ne les connaisse jamais, parce que ce sera trop complexe de les détecter pour des raisons d'informations statistiques. Franck ? Au-delà d'une simple lecture ou erreur de lecture, est-ce que tout ce qui est la conformation est bien connue ? Oui. Est-ce que ça peut être repéré ? Non. Alors ça aussi, c'est un des gros défis de la bioinformatique. Donc la conformation, juste ici, ce que je vous ai dit, c'est que la séquence, donc la succession linéaire des nucléotides, détermine par la lecture de cette ARN polymérase la succession linéaire des nucléotides sur l'ARN, et que la succession linéaire des nucléotides sur l'ARN détermine la succession linéaire des acides aminés sur la protéine. Mais cette succession linéaire va elles-mêmes déterminer la conformation tridimensionnelle. C'est-à-dire certaines parties de la protéine vont faire des hélices, d'autres vont faire ce qu'on appelle des feuillets, comme ça, en se mettant comme ça, des feuillets bêta. Et deux feuillets bêta vont parfois se mettre comme ceci l'un à côté de l'autre. Et puis, il y a certaines protéines où il y a une hélice qui va, et puis il y aura une boucle, et puis une autre hélice à côté, et puis une boucle, puis une autre hélice à côté. Et si on a six hélices comme ça, ça peut former un petit canal, elle forme un petit tonneau, et ce tonneau, ça va être par exemple un transporteur, un port à l'intérieur de la membrane qui va permettre de transporter certaines molécules. Donc, hein, il y a des protéines où il y a typiquement six hélices. Et chacune de ces hélices, je vous donne un exemple parmi 25 000, hein, mais un exemple, une protéine comme ça, typiquement, va se ficher dans les membranes, parce que chacune de ces hélices va être très hydrophobe, elle va fuir l'eau, et elle va aller se ficher dans les membranes, et ça va devenir un transporteur d'azote. Ça permettra à la cellule d'importer de l'azote, ou de la méthionine, ou ceci ou cela. Donc, ce qui permet à la protéine de faire sa fonction, c'est pas sa séquence, c'est le fait que cette séquence elle-même détermine une structure tridimensionnelle. Et bien, ça, on ne peut pas le prédire. Aujourd'hui, c'est un des gros défis de la biologie structurale, c'est comment les deux assistants faire la structure, on n'en est pas très loin. Revenons peut-être à l'identification des personnes. Oui. Je veux savoir jusqu'où peut aller le gène dans le caractère. Très bonne question. J'y viens. On a vu les poissons pour faire exemple, on a vu les campagnols des prés des champs qui sont devenus polygames, monogames. Le gène de la fidélité, le gène de la violence. On ne peut pas dire que alors, ni Dieu ni même n'ont des gènes de maître. Le gène de l'anarchisme. Exactement. Allez, je vais vous en parler. C'est un sujet très très important, c'est un de mes sujets d'intérêt. Et c'est un sujet que justement je développe un petit peu dans mon cours pour les biologistes, parce qu'il y a tout un discours là-dessus. Effectivement, on a publié déjà le gène de l'homosexualité, le gène de la fidélité conjugale, le gène de l'homosexualité, le gène de Dieu, le gène de la foi. Les gens qui croient, indépendamment de ce en quoi ils croient, il y a un gène, il y a un qui a publié un gène, le gène de la foi, etc. Le gène de la violence, c'est Mahora, etc. La générosité, c'est le dernier. Le sang, je ne le connais pas celui-là. La générosité. Celui-là, je ne le connais pas. La générosité. On y vient, Alors. Mais justement, pour y venir, avant de pouvoir prédire le phénotype à partir du génotype, ce qu'il faut, c'est justement savoir quel gène est associé à quelle fonction, ou à quelle perturbation, ou à quel caractère. Et donc il y a deux étapes en fait. La première étape, ça va être de collecter les génomes d'un grand nombre d'individus. Alors, il y a vraiment deux étapes conceptuellement différentes. La première, ça va être de collecter les génomes. Et donc détecter, à partir de la détection de gènes associés à un caractère. Alors le caractère, ça peut être la couleur des yeux, ça peut être une maladie, ça peut être un trait de personnalité, d'être homosexuel, le fait d'être ceci, cela, etc. Et là, donc ça, c'est un certain type de statistique. C'est ce qu'on appelle des études d'association. Il y a aussi d'autres études de liaison, mais je ne vais pas en parler, c'est plus compliqué, ça demande des données familiales, mais je vais vous montrer un cas d'étude d'association. Donc ça, c'est la phase 1. Et la deuxième phase, c'est en fait l'inverse. Ici, je connais déjà le caractère en fait, chez des groupes de patients. J'ai, par exemple, c'est à quelle page ? C'est à la page suivante, si vous retournez. Voilà, ouais, celle-là. Là où il y a le schéma bleu, les schémas bleus avec maladies bipolaires, etc., etc. Donc ça, c'est une étude qui a été publiée en 2008. Américaine. Welcome Trust, c'est anglais. Une étude anglaise. Où ils ont analysé 7 maladies, 7 pathologies humaines. Et dans chaque cas, ce dont ils disposaient, ils ont collecté 2000 personnes qui souffrent de la maladie, et puis ils ont 3000 personnes qui ne souffrent d'aucune de cette maladie qu'ils étudient. Évidemment, tout le monde a ses petits problèmes. C'est pas des gens, on ne dit pas des personnes saines, mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle les contrôles. C'est-à-dire, c'est des personnes qui ne souffrent d'aucune des maladies qu'on étudie. Donc il y a 3000 contrôles, et pour chaque maladie, il y a 2000 cas. Donc c'est ce qu'on appelle des études cas contrôles. La deuxième phase, donc que je le dis maintenant, mais après j'en parlerai plus tard. La deuxième phase, c'est si je connais votre génome, est-ce que je peux prévoir vos gènes. Donc ici, la première phase, c'est Je connais la maladie, est-ce que je peux trouver les gènes qui sont associés à cette maladie? La deuxième question, c'est je connais votre génome, est-ce que je peux prédire vos maladies, hein? Donc ça, c'est les deux axes sur lesquels vous étiez censé s'orienter. J'y arrive enfin. Donc, la première phase de toute cette étude, c'est justement d'identifier les marqueurs génétiques qui sont associés aux maladies. Donc là, on le fait avec des études cas contrôle. Et donc, toutes les études, les 7 études que je vous montre là, sont chacune faites avec 2000 cas et 3000 contrôles. C'est énorme, hein, d'habitude, on ne fait pas ça. On fait des études cas contrôle avec 200 patients, 300 patients. On est très content d'avoir 300 cohortes. Mais maintenant, on a fait un changement d'échelle. Quand on est passé à l'échelle génomique, au lieu de se trouver, comme le cas de la police, la police scientifique, avec 10 marqueurs ou 18 marqueurs sur le génome, la police scientifique aujourd'hui, en Europe, ça se base selon les pays sur une poignée de marqueurs, hein, une dizaine de marqueurs. Aux États-Unis, ils en utilisent 13, maintenant on parle d'en utiliser 18, ça va devenir vraiment moderne. Mais il y a une autre technique qui est tout à fait nouvelle, qui date du début des années 2000, et c'est celle de ce qu'on appelle les biopuces. Alors les biopuces, ça fait pas mal de brouhaha sur les forums, etc., parce qu'il y a une confusion, enfin pour plein de raisons, mais aussi parce qu'il y a une confusion entre les biopuces. Les puces RFID. Oui, voilà, justement. Donc il y a une confusion entre les puces électroniques et ces biopuces. Alors je vous ai mis, maintenant je vais vous demander de retourner la page précédente, le dernier schéma de la page précédente où on voit plein de petites billes en couleur jaune, orange, rouge, vert et jaune. Alors, ici sur ce schéma-là, ça c'est un exemple d'une biopuce qui permet. Donc, on l'appelle biopuce, ce serait plus correct de l'appeler microgrille à ADN. Microgrille, parce que ça n'a rien d'une puce électronique, c'est pas un processeur informatique, quoi. C'est réellement, en anglais, ça s'appelle microarrays. En français, on l'appelle aussi microgrille ou micromatrice, voilà, matrice à ADN. Hein. Bon, grille à ADN, matrice à ADN. En gros, l'image que vous voyez le plus à gauche, c'est une petite lame microscopique, c'est une lame de microscope. Donc c'est à la taille, ça fait quelques centimètres de long, quoi, un machin comme ça. Et sur cette lame de microscope, ce qu'on a fait, c'est de déposer 500 000 marqueurs génétiques. 500 000. Et puis par une technique que je ne vais pas vous détailler parce que c'est de la technologie, ça n'apporterait rien au débat, ce qu'on peut faire, c'est faire un marqueur de ces 500 000 marqueurs génétiques pour un individu donné. Donc ce que vous voyez là, c'est une personne, on lui a fait une petite prise de sang, ou un prélèvement d'ADN d'une manière ou d'une autre, et puis ce qu'on fait, c'est qu'on fait un marquage sur l'ensemble de son génome. Bon, le génome fait 3 milliards de nucléotides, mais il y a, aujourd'hui, on connaît 53 millions, dans les bases de données, au mois de juin, on avait répertorié 53 millions de positions dans le génome humain, où, selon les individus, il y avait du polymorphisme. Certains ont un A, d'autres un T, ou bien sûr, à une autre position, certains individus ont un G, d'autres un C. On en a 53 millions. Et bien sûr, ces 53 millions, il y en a 500 000 qui sont échantillonnés sur cette petite lame-là. Et donc, on colore ici en vert l'une des formes, en rouge l'autre des formes. Alors pourquoi il y a des points qui sont jaunes? Ben ça c'est des individus qui sont hétérozygotes. Parce que si vous avez, comme on a chacun deux copies de chaque chromosome, soit on est homozygote pour la forme A, par exemple si c'est un SNP, hein, donc c'est des SNPs aussi, hein, c'est le type de mutation, le deuxième type de mutation que j'ai marqué en haut, hein, les SNPs, où il y a juste une lettre qui varie d'une personne à une autre, mais soit vous êtes homozygote pour le premier type, alors vous apparaissez en vert, soit vous êtes homozygote pour le deuxième type, c'est-à-dire les deux chromosomes parentaux sont tous les deux, portent tous les deux un G. Quand j'ai souligné, il y a soit un A, soit un G dans ce cas-là. Donc si les deux portent un A, vous êtes en vert. Si les deux portent un G, la petite lumière qui correspond à ce SNP-là va apparaître en rouge. Et si on est hétérozygote, c'est-à-dire si on a hérité d'une forme différente des deux parents, eh bien alors on est en orange, ou en jaune. Et donc ça permet de dire pour chaque individu s'il est homozygote pour le A, homozygote pour le G, ou bien s'il porte un A sur un chromosome et un G sur l'autre chromosome, pour un SNP donné, et puis on fait la même chose pour 500 000 SNP sur l'ensemble du génome. Et ça c'est une révolution technologique, parce qu'on peut caractériser un profil génomique, faire un profil génétique basé sur une dizaine de marqueurs, on fait, pour pas grand chose, un profil génomique basé sur 500 000 marqueurs. 500 000 sur 53 millions. Oui, 500 000 sur 53 millions. Alors, là, c'était 500 000. Aujourd'hui, on en fera un million facilement. Et certainement, dans quelques années, on pourra faire les 53 millions. Mais on le fera peut-être même pas, parce que ça coûtera moins cher de faire le séquençage complet avec une autre technologie. Donc, ceci, c'est pas une technologie de séquençage. C'est une technologie de caractérisation de marqueurs, hein, sur base de biopuces. C'est d'hybridation, c'est un petit peu différent. Mais demain, ce qu'on fera, c'est de séquencer les 3 milliards de vos nucléotides. Parce qu'en plus, les 53 millions de SNP en question, là, qui sont dans les bases de données, c'est des SNP pour lesquels il y a des différences significatives entre une partie d'une population et une autre partie de la même population. Et d'ailleurs, dans cette base de données, il y a des SNP qui sont caractéristiques d'une population du sud de l'Ouganda, d'autres SNP qui sont caractéristiques d'une population européenne, etc. C'est catégorisé par population. Vous allez voir que ça va être utilisé après. Et donc, ça c'est 53 millions de... Mais il y a aussi des différences qui sont propres à vous et qui n'existent chez personne d'autre, parce que c'est des mutations qui sont arrivées dans votre corps ou dans les cellules germinales de vos parents. Et donc, demain, ce qu'on fera, c'est séquencer votre génome à vous, entièrement, 3 milliards de nucléotides. Mais aujourd'hui, on a déjà ça, aujourd'hui. Enfin, et même depuis une dizaine d'années, on a ça. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, donc, on voit bien, ici, il y a un zoom qui montre... Il y a un zoom qui montre un agrandissement où on voit bien les petites billes qui sont soit vertes, soit rouges, soit jaunes, hein, et parfois noires parce qu'il y a des problèmes techniques ou je ne sais pas pourquoi. Mais donc ça, ça permet de caractériser 500 000 marqueurs pour un individu. Et ça ne coûte pas grand-chose. Ça coûte aujourd'hui 100 dollars de faire à titre privé. Il y a une petite compagnie aux USA qui s'appelle 23andMe, qui a été fondée par la femme du fondateur de Google, avec un gros financement de Google, hein, Google qui est le maître de l'information mondiale, eh bien, cette compagnie-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous vend des diagnostics, où vous faites un petit frottis buccal, donc vous envoyez 100, enfin, vous payez 100 dollars, ils vous envoient un kit de diagnostic, vous faites un frottis buccal, vous le leur envoyez, et puis ils vont faire des tas de choses formidables pour vous. Alors, je vais vous expliquer après ce qu'ils font. Parce que d'abord, je vais vous expliquer comment dire que vous êtes pour autant homosexuel et que vous avez telle maladie. Ça. Entre autres, ça c'est une première, la première des choses. Ouais. Oui, c'est exactement ça. Mais il faut encore plus. Oui, c'est ça. En gros, ils vont faire ça et en plus, ils vont te retrouver tes cousins, y compris ceux que tu ne connais pas. Voilà. Mais ça peut faire des mauvaises surprises, ouais. Quoi. Ou de bonnes. Alors, c'est des cousins sympas, et voilà. Alors, ben comment ça marche? Donc, une fois qu'on dispose de cette technologie-là et qu'elle coûte pas cher, parce qu'elle coûte vraiment pas cher, enfin, pas cher, une centaine d'euros, quoi, donc, ou de dollars, bon. Ben donc, on fait ça, on prend 3000 personnes qui souffrent d'une maladie, et 3000 personnes qui, enfin, 2000 personnes qui souffrent d'une maladie, et 3000 personnes qui n'en souffrent pas. Et puis, pour chaque position sur ces marqueurs, chacune des positions, de ces 500 000 positions génomiques, on va voir si la proportion de A et de G est la même. Par exemple, si c'est un SNP où il y a un A chez certaines personnes et un G chez d'autres, ben on va voir si la proportion du type 1 est la même dans les deux cas, chez les cas et chez les contrôles. Et si c'est la même, on laisse tomber. Et si par contre, il y a des proportions très différentes, on va dire, ah, ce marqueur-là est associé à cette maladie. Et ça, c'est ce que vous montre le schéma, donc sur le verso de la page. C'est ce que vous montre ce schéma. Avec un plancher bleu. Alors le plancher, je vous commande d'abord le plancher. Le plancher bleu, vous voyez qu'il y a des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et ça va jusqu'à combien? 22, et puis il y a le X. Donc ça, c'est les chromosomes. Et la longueur, d'ailleurs, vous voyez que la longueur diminue progressivement. Ben, ça, c'est ce que je vous ai montré au début, c'est que le chromosome 1 est plus grand que le chromosome 2, qui est plus grand que le chromosome 3. C'est pas par hasard, on les a nommés comme ça, parce qu'on les a triés en fonction de leur taille. Donc là, vous avez la succession des chromosomes, et pour montrer la succession visuellement, il passe du bleu foncé au bleu clair, au bleu foncé au bleu clair, au bleu foncé au bleu clair, on alterne. Alors, chacune des petites boules que vous voyez, c'est un des SNP. Donc il y a 600 000 boules qui sont représentées sur un profil, il y a 600 000 boules. Et évidemment, on ne les voit pas toutes parce qu'elles se superposent, il y en a trop pour la limite de résolution de l'écran. Là, c'est quelques, enfin, je sais pas, c'est une image avec 1000 points de large, il y a 600 000 boules. La plupart d'entre elles, elles se chevauchent. Là, mais ce qui est important, c'est celles qui ressortent du paysage. Alors là, donc horizontalement, l'axe horizontal, il représente la position chromosomique de chaque marqueur génétique. Et verticalement, ce que représente la hauteur, c'est à quel point ce marqueur-là est différent entre les gens qui sont malades et les gens qui ne le sont pas. Et donc, ce qu'on va chercher, c'est à trouver des régions chromosomiques où on a des points très très hauts. Et ceux-là, ils les ont marqués en vert dans l'étude. Alors, on prend un cas tout simple, hein, le plus évident, celui qui saute aux yeux. C'est le cas de la maladie coronaire des artères. Et là, vous voyez bien que, en gros, on a un plancher bleu plus ou moins horizontal. Et puis, on a une région dans le chromosome 9 où il y a tout un tas de petits points verts qui manquent très très haut. Pourquoi il y en a un tas? En fait, c'est parce qu'il y a toute une région chromosomique où il y a plusieurs marqueurs, et tous ces marqueurs sont significativement, ont une proportion de lettres différente entre les gens qui sont malades et les gens qui ne sont pas malades. Chacun des marqueurs est différent. Il y a un marqueur qui va être un H chez certains individus et un T chez d'autres. Mais il y aura beaucoup plus de T chez les malades et de H chez les pas malades. Et puis un autre marqueur, ce sera des C et des G, mais il y aura plus de G chez un malade, etc. Donc, on a une poignée de marqueurs contigus qui sont tous très très significativement associés à la maladie. Donc ça, c'est une technique formidable. On va trouver dans ce cas-là la région chromosomique qui est associée à la maladie, et on va pouvoir après faire des études pour voir quels sont les gènes qu'on trouve dans cette région-là, quelles sont les protéines qui sont synthétisées sur base du modèle de ces gènes, et puis dans quoi sont impliquées ces protéines-là. Alors, ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est essayer, à partir de cette connaissance de la protéine, si on connaît sa structure tridimensionnelle, de trouver des médicaments qui vont permettre d'inhiber la protéine qui cause la maladie, etc., par exemple. Donc ça va être un type d'application, mais qui n'est pas individuel, ça c'est simplement sur base de la connaissance du mécanisme de la maladie, on va essayer de trouver les médicaments. Bon. Alors, vous voyez d'autres cas un petit peu moins simples. Alors, sur base de ce caractère-là aussi, quand on a un caractère aussi fortement monogénique, on a plusieurs possibilités. Soit ce caractère, il est vraiment déterminant pour la maladie. Et donc là, c'est le cas typique de l'anémie falciforme. Tous les gens qui ont la mutation... cette mutation-là sur ce gène-là ont une hémoglobine qui est mal formée et qui provoque cette maladie. Donc ça, c'est une maladie qui a ce qu'on appelle une pénétrance de 100%. Chez tous les individus qui ont la mutation, la maladie est présente. Et puis, il y a les autres maladies moins évidentes, comme celle dont je vous ai déjà parlé, la maladie de Huntington. Eh bien là, effectivement, tous les gens qui ont une soixantaine de répétitions vont avoir la maladie, mais ils la déclarent à un âge variable, la maladie. Ils vont la déclarer soit à 30 ans, soit à 25 ans. Et puis ceux qui ont une quarantaine de répétitions, ils vont la déclarer plus tard, vers 40, 50 ans. Donc là, c'est déjà moins évident. Mais alors là où ça devient encore moins évident, c'est qu'il y a certaines maladies, par exemple la maladie de Crohn, ou le diabète de type 1 même. Hein, c'est un diabète qui est très très fortement associé à des marqueurs génétiques, mais on voit qu'il y a plusieurs marqueurs, il y a plusieurs régions chromosomiques qui sont associées à la maladie. Et puis le diabète de type 2 aussi, diabète de type 2. Je vois. Alors donc là, la maladie de Crohn, la maladie diabète de type 1, c'est des maladies qu'on va appeler polygéniques, multigéniques. Donc il y a les maladies monogéniques, anémie falciforme, et puis les maladies multigéniques. Et là, ce qui va déterminer qu'on est malade ou pas, c'est déjà la combinaison des différents caractères. Donc ça devient moins simple de prédire, pour répondre à votre question, de prédire le phénotype sur base du génotype, puisque il va falloir connaître la combinaison, et là on détecte pour Crohn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, une quinzaine de régions qui ont l'air d'être associées à la maladie. Mais il y a peut-être d'autres régions qui sont associées à la maladie aussi, mais que je n'ai pas détectées parce que mon échantillon était insuffisant, je suis un petit peu en dessous de la limite de détection statistique ou pour d'autres raisons. Donc quand on a un caractère multigénique où il y a une quinzaine de marqueurs qui interviennent, chacun des marqueurs a une valeur prédictive très faible. Et même les combinaisons de marqueurs qui auront une valeur prédictive, ça va être difficile de les établir. Alors, le cas qui est encore pire, c'est des maladies qu'on appelle multifactorielles, où non seulement elles sont polygéniques, multigéniques, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs gènes qui interviennent dans la maladie, mais où en plus, le déclenchement ou non de la maladie va très fort dépendre de facteurs environnementaux. Et le cas typique de ça, c'est diabète de type 2. Diabète de type 2, c'est associé à... là, ils ont détecté dans leur étude une poignée de gènes qui étaient associés au diabète de type 2, 3-4 gènes. Pourtant, on sait que c'est une maladie qui a une... Bon, on sait que ça correspond aux études de famille où on voit qu'il y a une transmission familiale des diabètes de type 2, mais pas systématique, etc. Mais qu'il y a une propension à avoir des diabètes qui est transmis familialement. Mais le diabète, il est aussi, le fait qu'il soit déclenché ou pas, ça dépend très fortement du comportement alimentaire, d'une part, et d'autre part, de l'état psychologique. Parce que, typiquement, il y a des gens qui vont déclarer diabète de type 2 à 60 ans, suite à un choc psychologique, à un stress, etc. Et puis une fois qu'il le déclenche, ben là, le problème, il est là, il s'installe. Hein. C'est plus difficile de revenir en arrière. Mais donc, ça, c'est des maladies multifactorielles. Alors, il y a d'autres maladies qui vont être multifactorielles, non pas liées au caractère psychologique, mais à l'environnement, au sens écologique du terme, quoi, hein, au fait de vivre dans un environnement contaminé, enfumé, etc., etc. Et par exemple, un cas très intéressant, c'est un gène qu'on appelle le BRCA1. C'est un gène qui s'appelle... il y a BRCA1 et BRCA2. C'est deux gènes, Breast Cancer Associated Genes. Donc, c'est des gènes qui sont associés au cancer du sein. Et en fait, il y a une compagnie, il y a une dizaine d'années, qui a découvert que certaines formes de ce gène étaient associées à la probabilité, à une probabilité plus élevée de développer un cancer du sein. Et ils ont déposé un brevet là-dessus. Ils ont déposé un brevet, et depuis, ils vendent le kit de diagnostic 1600 euros. Alors, je vous ai dit que ceci... Oui, non, au début, ils le vendaient... Attends. Ils le vendaient à 1600 euros au début, et depuis, ça a doublé. Non, c'est pas des 2 euros, c'est des dollars, pardon. C'est une compagnie américaine, 3200 dollars. Le diagnostic. Je vous ai dit que ce diagnostic-ci, où on a 500 000 marqueurs, ça coûte 100 dollars aujourd'hui. Hein? Donc, si je fais ce diagnostic-là, moi, si j'ai accès aux données, je pourrais faire moi-même mon test. Pour 100 dollars, je pourrais le faire. Mais j'ai pas le droit de vendre le test à quelqu'un. Parce qu'ils ont déposé un brevet. Et donc, il n'y a qu'eux qui ont le droit d'utiliser cette information que pourtant je trouve, si moi j'envoie mon petit échantillon à 23andMe, il m'envoie mon profil génétique, je vais le trouver, hein, c'est dans les... Enfin, 23andMe ne va pas me dire si j'ai des risques de développer le cancer du sein, parce que 23andMe n'a pas le droit de me le dire. Ils vont prédire mes risques pour 118 maladies, pour celles-là, ils pourraient tout aussi bien le prédire, avec un très grand taux d'incertitude, je tiens à le préciser d'emblée. Mais, ils pourraient toujours tout aussi bien me vendre la prédiction, hein, mais ils n'ont pas le droit de le faire, parce que la vente de ce diagnostic-là est sous brevet. L'actrice qui s'est fait enlever, c'est ça? Oui. Alors, il y en a plusieurs, mais il y a la copine de Brad Pitt, comment ça s'appelle? Angelina Jolie. Ouais. Elle s'est fait enlever les seins. Il y a eu d'autres cas comme ça, où effectivement, qu'est-ce qu'on fait du diagnostic? La première chose qu'on peut faire, c'est si on sait qu'on a un risque plus élevé que la moyenne, on peut faire des examens de dépistage plus réguliers. C'est une première chose qu'on peut faire. Et la deuxième chose, c'est que chez certaines personnes, ça provoque une telle crainte psychologique qu'ils préfèrent procéder à l'ablation préventive des deux seins. Je peux jeter de plomb aussi. Oui, si on a l'angoisse de la mort, c'est la seule solution. Donc de fait, ça c'est une question. Non, c'est beaucoup plus emblématique, effectivement. Oui, non, mais de fait, la question se pose parce que Angelina Jolie, elle a eu un diagnostic pour un caractère. Alors c'est pas tout à fait aussi neutre que ça. Elle a fait le test parce que dans sa famille, il y a plusieurs personnes qui avaient eu le cancer du sein et qui en étaient mortes. Dans sa mère. Et donc. Elle a de bonnes raisons pour que ça représente quelque chose psychologiquement un peu plus lourd pour elle que si tous les gens qui sont dans cette salle faisaient ce test-là. Alors il y a deux aspects. Il y a effectivement la valeur prédictive du test, avec le risque d'erreur. Il y a plusieurs aspects. L'autre aspect, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on connaît le résultat? Est-ce qu'on applique une hygiène de vie dans le cas du diabète de type 2 si on dit que j'ai un risque accru? Là, je pourrais être un petit peu plus stimulé pour ne pas me ruer sur des chocotops chaque fois que j'en vois. Ou me dire, oulala, il ne faut pas que j'y aille, non seulement parce que... Ça va affecter mon phénotype et ma capacité. Mais aussi parce que je risque de contribuer à déclencher plus tôt, ou même à déclencher, alors que je pourrais ne pas déclencher le diabète de type 2. Donc, ça, c'est la prévention par une hygiène de vie. Deuxième chose, prévention par dépistage. Troisième chose, dans certains cas, certaines maladies, on peut. Avoir des traitements préventifs qui améliorent les conditions de vie. Par exemple, l'emphysème pulmonaire. Ça, c'est une maladie qui est liée aussi à une mutation dans un gène qui déclenche très tard. La mutation, elle est là à la naissance. On peut faire le test dès la naissance. Mais la maladie, elle va se déclencher. Mais l'âge varie aussi, 50, 60 ans, 40 ans, selon les individus. Mais si on fume, ça accélère drastiquement le moment où on va déclencher la maladie. Donc les gens qu'on diagnostiquerait comme porteurs de l'allèle qui est associé au risque, on va leur dire « surtout ne fumez pas », alors que les autres, on va leur dire « surtout ne fumez pas pour d'autres raisons ». De toute façon, c'est ça qui est marrant, c'est comme pour les cancers du poumon. On a vu qu'il y a des gens qui ont plus de risques d'autres que développer, il y a des gènes qui sont associés à un risque de développer le cancer du poumon. Alors la différence, c'est que en absence de tabagisme, alors comment ça marchait? Oui. Avec le tabagisme, les chiffres, c'était du genre des fumeurs intensifs, s'ils ont la forme moins risquée, ils ont 16% de chance de développer un cancer du poumon, et sinon, ils ont 23% de chance de développer un cancer du poumon. Par contre, dans les deux cas, si on ne fume pas, les probabilités de développer le cancer, c'était 1,2%. Donc le gène, en fait, évidemment que les gens qui ont le gène à risque, on va leur dire ne fumez pas parce que vous avez plus de chances que les autres que de développer un cancer, mais... La différence, c'est de passer de 1% à 16% pour les gens qui ont le gène de moindre risque et de 1% à 23% pour ceux qui ont le plus grand risque. Je crois que de toute façon, la question, c'est pas vous ne souvenez pas comment. En fait, limite, les gènes à risque, quelles que soient les maladies, elles sont plus liés à l'environnement et à l'hygiène de vie que aux gènes eux-mêmes. Ben, ça dépend. Pour la... Enfin, oui et non. Pour l'emphysème, c'est pas comme le tabac. Quoi. Le tabac, c'est quelque chose dont on peut se passer. Par contre, si on a le gène de l'emphysème pulmonaire, ben, c'est pas vraiment un choix d'hygiène de vie. Quoi. C'est-à-dire que là, on sait qu'on va avoir un problème et c'est simplement qu'on peut le retarder un peu ou pas. Alors, par contre, donc là, on sait qu'on va avoir le problème. Par contre, dans le cas de BRAC 1, c'est des probabilités plus élevées de développer le cancer du sein. Et donc, ça se gère différemment. Maintenant, imaginez, et ça, c'est une des questions évidemment éthiques. Vous envoyez votre échantillon aujourd'hui à 23andMe, et ce qu'il vous envoie, c'est des diagnostics pour... Alors, je ne vais pas regarder aujourd'hui, j'ai oublié, mais l'année passée, c'était 118 maladies. Oui. Donc, vous voyez ce que ça fait, Angelina Jolie, de savoir qu'elle a le marqueur BRAC 1, etc. Et ben, vous imaginez qu'aujourd'hui, vous le faites, vous avez votre petit tableau avec les 118 maladies, et vous vivez le reste de votre vie avec ça. Avec une probabilité de 2% d'avoir un cancer du poumon, 1% d'avoir ceci, 3% d'avoir cela. La seule chose qui est sûre, c'est que vous allez mourir de toute façon. Et comment vivre avec ça, ouais, c'est une question quand même. Alors, voilà. Alors, qui lira votre avenir dans vos gènes? Est-ce que c'est votre médecin? C'est la première chose. Est-ce que c'est vous? Quelle est la valeur du test? C'est ce qu'on appelle le service direct au consommateur. Hein, direct to consumer. Ah oui, c'est pour ça qu'ils disent consommateur. Direct to consumer service. Donc, est-ce que c'est vous qui allez lire votre avenir de vos gènes et comment vous lirez avec des probabilités partout? Ou bien est-ce que c'est votre assureur? Les assurances sont très demandeuses. Elles sont très demandeuses, mais en 2009, Barack Obama a fait une loi aux États-Unis disant qu'il était interdit aux services de diagnostic de vendre, enfin, il était interdit aux assurances d'utiliser cette information, l'information génétique. Et également pour les employeurs. Parce que les employeurs, qui pensent toujours au bien des employés, non, ils le font, c'est présenté comme ça, vont orienter les tâches qu'ils leur donnent en fonction de leur capacité et de leur risque. On ne voudrait pas donner des tâches lourdes à quelqu'un qui souffre de risque de développer des maladies cardiaques. Donc, un petit test génétique est quelque chose qui est bienvenu de la part de certaines associations d'employeurs. Mais là, le gouvernement américain, 2009, un acte qui s'appelle GINA, pour Gene, je ne sais plus quoi, machin, c'est une loi, c'est un acte... C'est bien travaillé ou c'est beaucoup plus articulé tout ça? Alors, je vais en parler après, effectivement. Ça se termine, mais attendez, oui, on va parler ça, de la protection de la vie de l'humanité. Du coup, quand on n'arrête pas de parler de maladies, du coup, c'est quoi les maladies génétiques? Ah ben, là, c'est des gènes de tous les... Alors justement, maladie génétique, ce qu'on appelle une maladie génétique sans aucune ambiguïté ou discussion, c'est l'anémie falciforme. Tu as une forme des gènes, tu es malade, tu n'as pas l'autre, tu as l'autre, tu n'es pas malade. Hein? Enfin, tu ne joues pas cette maladie-là. Après, les autres maladies, on va les appeler maladies à terrain génétique. C'est-à-dire que la composition de ton génome va affecter ta probabilité de déclencher ou non la maladie, mais le fait qu'elle se déclenche ou pas dépendra de ton hygiène de vie, de tes conditions de stress, de l'environnement physique dans lequel tu vis. C'est quand il y a un gène, peut-être plus un, je ne sais rien, mais qui à 100%, c'est un gène, ça c'est ça. Ben non, ça c'est ce qu'on appellera les maladies monogéniques à pénétrance complète. Maladie génétique, ça recouvre un peu le tout, mais après quand on gratte un peu, les gens vont dire oui, mais enfin quand on dit génétique, c'est qu'il existe un terrain génétique. Et alors là, vous avez une question? Oui. Ben, je crois que là... Oui, d'accord. Non, mais à contrario, pour être un peu optimiste, parce que vraiment, on voit le mauvais côté des choses, est-ce qu'on peut prédire aussi... par exemple, que enfin, chaque individu a des points forts, c'est-à-dire la longévité, la résistance à l'effort, etc. On appellerait des qualités. C'est interdit de faire des recherches sur ce sujet. C'est pas du tout interdit, hein. Ça se fait. Je vais vous parler du Plomin. Plomin, c'est un généticien qui a. C'est le spécialiste de la génétique du comportement, parce que les points forts dont vous parlez de longévité. Mais ça, non. Alors, déjà, les points forts ou les points faibles. Les maladies, c'est facile à détecter pour certains types de maladies, celles où il y a une forte pénétrance, où c'est caractérisé par un petit nombre de gènes. Mais déjà, le but du schéma que je vous ai donné là, c'est de vous montrer que ce n'est pas si évident que ça dès le moment où il y a une poignée de gènes. Et pour beaucoup de maladies, il y a une poignée de gènes plutôt qu'un seul gène. Donc, déjà, pour les maladies, on ne peut pas les détecter. Mais pour les points forts, il faut les mesurer, ces points forts. Et donc, conceptuellement, c'est faisable. Je pense qu'on pourrait faire des études de population maintenant. Le gouvernement chinois a entrepris un projet de séquencer complètement le génome d'1 million de Chinois. Il pourrait très bien décider. Non. Là, je vous parlais d'études avec 2000 personnes contre 3000, mais si le gouvernement chinois a des fichiers suffisamment documentés sur les habitudes alimentaires, on peut compter sur les habitudes alimentaires, les frais médicaux et les points forts de ces gens, alors on pourrait imaginer qu'ils vont chercher ça. Alors, je vais vous donner le cadre d'une étude. C'est M. Plomin, qui est le spécialiste international de la génétique du comportement. Vous avez posé des questions sur le gène de l'homosexualité, etc. Alors, bon, en résumé, pour le gène de l'homosexualité, de la violence et compagnie, ça, c'est toutes des études qui ne sont pas des études à l'échelle génomique. Et la plupart de ces études sont... ces études sont un peu foireuses, quoi. On pourra en discuter après, mais je voudrais terminer sur la génomique. Hein. Je suis peut-être déjà trop loin, hein, dans le temps. Non, mais vous me le dites. Hein. Parce que je réponds aux questions, en fait, mais je progresse en même temps. Je suis exactement dans ce que j'avais fait. Hélas, oui. C'est terrifiant. Hein. Non, mais là, on est lancé encore au début avec les petites molécules sur le tableau. Et j'ai pas tout fini, j'ai pas fini. Non, mais c'est bon, on avait exposé le débat en même temps. On est dans les temps. Attendez, la question c'est. Les points forts, Plomin. Plomin, lui, ce qu'il a cherché, c'est le gène de l'intelligence. Alors, ça, ça pas. C'est un gars qui, déjà depuis très longtemps, il a écrit des bouquins entiers de génétique du comportement qui sont des références qu'on étudie. Les gens qui ont des cours de génétique du comportement utilisent comme bouquin à l'université le livre de Plomin, La génétique du comportement. C'est le livre de Plomin. C'est même ça. C'est l'anti-Darwin. J'ai encore un QI au-dessus. C'est tout un monde, la génétique du comportement. C'est un type vraiment convaincu depuis toujours que l'intelligence, qu'il y a des gènes de l'intelligence. Alors, et il veut les chercher. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé ces SNP, donc les petites biopuces, les microglies de SNP, et il a fait une étude sur 7000 enfants anglais. Auquel il a fait un test de style, test de QI. C'est pas exactement le QI, techniquement, il calcule un facteur G, mais c'est la même chose. On fait un test avec plein de questions, et puis on mesure un score, un seul, qui est une synthèse, enfin qui est une moyenne pondérée de l'ensemble des performances pour chacune des questions. Donc pour chaque enfant, il y a un nombre qui mesure une approximation de ce que Plomin considère comme l'intelligence, enfin de ce que les gens de ce domaine considèrent comme l'intelligence. Il n'a pas inventé le facteur G. Pour ceux que ça intéresse, il y a un livre formidable de Stéphane Jégoul qui s'appelle La malmesure de l'homme, qui a été écrit en 79 pour la première édition et qui a été réédité au début des années 90, qui a été traduit en français. Et ce livre-là, en fait, il y a un chapitre où il parle de ce facteur G. Mais tout le livre parle de toutes les études où les gens ont voulu mesurer l'intelligence de l'homme et montrer que l'intelligence était différente selon les races et selon les genres. La malmesure de l'homme. La malmesure, de l'homme. Stephen Jégoul, je vais l'écrire ici. Jégoul, ouais, le Stephen Jégoul. Stephen Jégoul. Très lisible, très intéressant. Il y a des études de craniologie au 19e siècle, il y a des études de chimie. Donc, le facteur G, donc Plomin, il a 7000 enfants, il leur fait à tous subir un test, un test d'intelligence, et puis il retient les 1500 qui ont le meilleur score et les 1500 qui ont le moins bon score. Il y a deux classes. Et puis il fait une étude d'association, comme avec les gens qui souffrent de diabète, pas diabète, c'est la même chose, étude cas contrôle. Sauf que ces deux classes, c'est les 1500 qui ont le meilleur score et les 1500 qui ont le plus mauvais score. Et alors, la conclusion de son étude, c'est que, en fait, il n'y a aucun gène, aucun des 600 000 marqueurs qu'il étudie. Ah non, il y avait 257 000 marqueurs à l'époque. Sur les 257 000 marqueurs qu'il étudie, il n'y en a pas un seul qui est significativement associé à l'intelligence. Alors, il y en a un qui est tout juste au-dessus du seuil de significativité, et puis il le teste indépendamment pour valider, et puis il vote non finalement. Et donc, il en conclut que, pour trouver les gènes de l'intelligence, il faudra des échantillons encore plus grands, il faudra des paupières encore plus grandes. Oui. Voilà. En tout cas, moi, ce que j'en conclue, c'est que si c'est non, pas dans son génome. Moi, ce que je crois, c'est que s'il existe, c'est pas dans son génome qu'on va le trouver. Mais c'est marrant, c'est un peu comme. Enfin, ça fait penser à la guerre d'Irak, quoi. On dit. Ah, les. C'est ce genre de goût de la génétique qui dit, s'il y avait des armes chimiques, si on ne les a pas trouvées, c'est qu'elles étaient bien cachées. Il y a des intelligences, ça c'est le postulat. Si on ne les trouve pas, c'est qu'ils sont bien cachés. Donc bon, ça c'est une étude. Mais le type a eu l'honnêteté de publier son résultat négatif. Mais enfin, sa conclusion est quand même particulièrement butée. Quoi. C'est ça montre qu'ils ont des chances. En partie, justement, c'est pour ça que là, on peut tourner cette histoire-là en ridicule, parce que l'approche était complètement ridicule pour deux raisons. La première raison, c'est que sa mesure de l'intelligence n'est pas une mesure de l'intelligence. Et que de toute façon, toute mesure de l'intelligence est une tâche vaine, parce que l'intelligence, c'est quelque chose que, déjà, si on devait en donner une définition, ou la chercher dans le dictionnaire. Mais parce qu'il y a des mesures, a priori. Il semblerait qu'en tout cas, on en soit précisément à la 7e et à la 8e intelligence. Autrement dit, pour eux, l'intelligence, on ne peut rien dire. Oui, c'est ça. Même ce qu'on définit classiquement comme l'intelligence, ça peut être une compétence à résoudre des problèmes techniques, une inventivité, une imaginativité, une compétence pratique à se sortir de situations, etc. Il y a des tas de choses tellement différentes. C'est difficile d'imaginer que cette qualité-là puisse être mesurée sur un seul indice, déjà. Et la deuxième erreur, je vais dire les deux erreurs, et la deuxième erreur dans son approche elle-même, c'est qu'à supposer même qu'il existe un caractère sur lequel, par un grand miracle de dialogue et de réflexion, tout le monde se met d'accord pour dire ceci est l'intelligence et on peut le mesurer. Quand bien même ce serait le cas, je peux imaginer, comme vous le dites, que, effectivement, à la naissance, dans les différences génétiques, il y en a qui conditionnent la différence des couleurs des yeux, des cheveux, de la peau, des différences morphologiques et des tas de choses, y compris une différence de structuration du cerveau. Mais le cerveau fonctionnel n'est pas uniquement cette structure initiale qu'on a à la naissance. Il est clair que les gènes influencent le développement embryonnaire. C'est tout à fait clair. On dispose de centaines d'exemples bien documentés de gènes où une mutation va faire, par exemple, qu'on a des exadactylies, qu'on a des malformations qui montrent que les gènes déterminent la formation de l'individu, la morphogenèse, en fait, la formation de la forme du corps à partir de la cellule unique qui est le zygote. Donc ça, c'est clair. Et au cours de tout ce processus, il y a des variations individuelles, il n'y a pas de raison de penser qu'il n'y en a pas certaines qui vont affecter la structuration du cerveau. Et donc, il n'y a pas de raison de penser qu'il est impossible que, parmi ces structurations, certaines soient plus propices à un certain type d'activité ou de perception même. La perception musicale pourrait affecter une des formes d'intelligence qui serait la créativité musicale. Et la perception visuelle pourrait affecter une des formes d'intelligence qui serait... Par exemple, la reconnaissance d'objets dans un paysage qui va affecter une capacité à avoir une compétence qui va être reconnue professionnellement et qui va faire que cette personne va être considérée comme intelligente. Donc, a priori, je pense qu'il existe vraisemblablement des différences génétiques qui affectent nos capacités cognitives, mais qu'on ne va pas les caractériser non plus. D'une part, ce sera des différences basées sur des centaines de gènes qui interviennent dans la formation, des milliers de gènes qui interviennent dans le développement embryonnaire. Et donc, on ne va pas trouver le gène de l'intelligence, d'une part parce qu'il n'y a pas l'intelligence, et parce que ce ne sera pas un gène qui conditionnera cette hypothétique intelligence. Voilà. Donc, c'est la question. Vous avez une question ? Non, c'est juste pour un détail, à savoir le fait d'appeler homo sapiens, sapiens, c'est-à-dire celui qui sait qu'il sait. Donc c'est un doublement de ça pour éviter la catégorisation. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. C'est pour ça ? Non, c'est pas. C'est intéressant comme manière de le tourner. C'était pour distinguer de Néandertal de Cro-Magnon. Oui, c'est ça. Un savoir supplémentaire. Justement, il paraît qu'on a un reste de gène de Néandertal. Je ne peux pas en parler maintenant, mais à l'occasion, on pourra parler de l'évolution de l'espèce humaine. Mais ici, je voudrais poursuivre sur ce qu'on peut faire avec la connaissance de notre génome. Alors, du point de vue des maladies, puisque vous intéressez évidemment aux aspects psychologiques, mais le trouble bipolaire. Alors, il y a certaines maladies psychiatriques dont on dit, dans les bouquins de Plomin notamment, on dit que c'est des maladies à fort terrain génétique. Et ça, on le dit depuis les années 70, mais à l'époque, on ne faisait pas du tout de séquençage. Comment on savait qu'il y avait un terrain génétique ? On faisait des études de transmission au sein des familles. Mais il y a un problème, c'est que la transmission de celle, qu'est-ce qu'on transmet au sein des familles, ben, quand tout se passe bien, on transmet les gènes, enfin, parce que parfois, ça, enfin, quand tout se passe bien, quand tout se passe officiellement, on transmet les gènes, parce que parfois, les gènes, ils ne viennent pas forcément mais donc, normalement, on transmet des gènes, mais on transmet aussi, évidemment, une éducation, une culture, un environnement social, familial, etc. Et donc, le fait que des maladies, c'est très très difficile d'identifier des caractères génétiques associés à des traits comportementaux ou à des traits de personnalité, de la maladie, etc. Parce qu'il faut découpler la transmission culturelle de la transmission génétique, hein, dans l'héritage. Mais il y a des méthodes pour ça. Et dans les années 70, qu'est-ce qu'on faisait? C'était des études de jumeaux. Et alors, premier type d'étude, c'est de savoir si la maladie se transmet de façon corrélée, plus corrélée parmi les jumeaux, entre guillemets, vrais, qui ont 100% du génome en commun, que parmi les, entre guillemets, faux jumeaux, qui ont 50% du génome en commun. Mais là, c'est déjà difficile à interpréter, parce que les vrais jumeaux, dès la naissance, comme ils sont des vrais jumeaux, qu'ils se ressemblent, on leur dit sans arrêt qu'ils se ressemblent. Et ça peut provoquer deux types de choses. C'est soit que, comme on leur dit sans arrêt qu'ils se ressemblent, ils y croient et qu'ils renforcent la ressemblance, soit au contraire, des comportements paradoxaux de différenciation. Donc, tout ça est très difficile à étudier. Alors, en plus, la manière dont on peut se défaire de ce problème-là, méthodologique, c'est de dire qu'on va étudier des jumeaux séparés à la naissance. On a des jumeaux, on les sépare à la naissance, et on étudie le taux de corrélation entre les vrais jumeaux et les faux jumeaux. Puisqu'ils ont été des jumeaux abandonnés à la naissance, et puis chacun élevé dans une famille différente, dans un genre social différent, etc. Ils ne se connaissent pas, ils ne se rencontrent pas. Et puis on va les chercher 30 ans après, ou 40 ans après, et on regarde. Et c'est sur base de ces études-là qu'on a... notamment. Mais le problème, c'est qu'on a des échantillons très très faibles. Et donc toutes ces études-là sont absolument remises en question aujourd'hui, par le monde psychiatrique lui-même. Mais toujours est-il qu'on disait à l'époque que les maladies avec un très fort terrain génétique, c'était schizophrénie, numéro 1. Numéro 2, maniaco-dépression, qu'on appelle aujourd'hui trouble bipolaire. Et l'autisme. Alors, l'autisme, le problème, c'est que 2000 autistes, ben, ce n'est pas 2000 personnes qui souffrent de la même maladie. Dans l'autisme, c'est une grosse boîte où on met des tas de maladies complètement différentes du point de vue du comportement. Et du coup, chercher le gène de l'autisme en mettant 2000 personnes qui souffrent de maladies différentes et puis 2000 personnes qui ne souffrent pas de cet agglomérat de maladies, la tâche est aussi déjà vouée à l'échec dès le départ. Et donc, pour la maniaco-dépression, là, ils n'ont rien trouvé. Soit ça veut dire que la maniaque de dépression, enfin le trouble bipolaire, n'est pas lié à une cause, ne provient pas d'une cause génétique. Soit qu'il provient d'une cause génétique, mais que les échantillons étaient trop disparates pour qu'on puisse réellement le détecter. Soit que ça provient d'une cause génétique et que effectivement l'échantillon était suffisamment homogène pour qu'on puisse considérer que c'était des gens souffrant de la même maladie, mais que néanmoins il y a tellement de gènes impliqués que chacun a une pénétrance très très faible et que du coup, si on a une trentaine de gènes impliqués dans une maladie, chacun à titre individuel ne va pas être détectable pour faire la différence entre deux groupes d'individus. Parce que ce qu'il faudra étudier, c'est les combinaisons de ces gènes. On peut imaginer une situation où, pour être malade, il faut à la fois avoir telle mutation sur tel gène plus telle, enfin mutation, tel marqueur sur tel gène plus tel marqueur sur tel autre gène plus une trentaine de marqueurs différents. Et comme on étudie chacun des marqueurs séparément, mais individuellement, les marqueurs ne vont pas faire de différence entre les deux groupes d'individus. Ce qui fera la différence, c'est une combinaison de 17 caractères différents. Donc, le fait qu'on ait un résultat négatif dans ce cas-là, bah, la première chose que ça évoque, c'est qu'on n'a pas trouvé les hypothétiques gènes qui seraient responsables de ce terrain génétique. Et soit c'est qu'il n'y a pas de terrain génétique et qu'on s'est trompé parce que les études étaient basées sur trop peu d'individus. Soit c'est qu'il y a un terrain génétique et qu'on n'a pas la puissance statistique pour le détecter. C'est ce qu'on appelle la puissance. On peut faire le lien avec le tableau de ressources. Parce qu'on voit identification des origines géographiques et ethniques sur base de profil génomique. Ouais. C'est pareil, c'est soit on considère que que la majorité des traits vient de l'environnement, de la culture, de la famille, etc. Soit on considère que c'est comme par rapport aux maladies familiales, dont on a dit pendant longtemps, en gros, telle mère, telle fille, enfin, etc. Les chiens font pas des chats, c'est quand même des phrases qui étaient très fortes, qui étaient super ancrées dans la culture. Les chiens font pas des chats, quand même. Mais justement, j'aimerais bien revenir là-dessus, parce que un risque, quand même, ce serait que... moi, je crois qu'il faut juste savoir, effectivement, que les chiens ne font pas des chats. C'est-à-dire qu'il existe une transmission génétique. Il ne faut pas la nier, cette transmission génétique. Parce que la nier... Alors, justement, je vais vous dire pourquoi. Précisément, donc ça c'est effectivement le dernier... Bon, si vous avez encore un peu de temps, donc c'est le dernier point sur lequel je voulais arriver, c'est l'identification des origines ethniques ou géographiques. Tout le monde est suisse. Tout le monde est suisse. Oui, c'est bien vu. Alors, il y a une raison. C'est une étude qui a été menée par des Suisses. Ils le disent eux-mêmes. Ils disent parce qu'on a mené l'étude en Suisse, on a eu accès plus facilement aux données suisses, et donc c'est biaisé. Mais je vais vous expliquer ce que dit cette étude. Et après, on va l'interpréter avec tout l'esprit critique qu'il faut. Comment elle a marché l'étude? Mais d'abord, il y a une autre étude plus simple que je vais vous montrer. C'est celle qui apparaît en bleu et rouge dans le petit coin. Donc ça, c'est une étude qui a été menée par aux États-Unis, où ils ont deux groupes d'individus. Un groupe qui sont des juifs ashkénazes d'origine européenne, mais en tout cas des juifs ashkénazes qui vivent aux États-Unis et dont les ancêtres relativement récents ont immigré d'Europe, et d'autres qui sont des individus d'origine européenne, ce ne sont pas des Amérindiens ou des Africains d'origine, c'est des individus d'origine européenne, non-juifs. Et ce qu'on fait, c'est qu'on collecte leur profil génétique avec ces 500 000 SNP, et puis... On utilise une méthode dont je veux bien discuter avec Marie-Yvonne parce qu'elle est mathématicienne. Je veux bien en discuter avec n'importe qui parce que j'adore expliquer les statistiques. Donc là, je le ferai après si vous me demandez, mais je ne vais pas vous l'imposer à tous. Mais c'est une méthode, en gros, qui permet de faire une projection sur un espace à deux dimensions, donc sur une carte, de faire une cartographie où on va mettre un point pour chaque individu et où on va s'arranger pour disposer les points de telle sorte que la distance entre les points correspondent à la distance génétique entre les individus. Donc, pour chaque individu, je mesure son... J'ai 500 000 marqueurs qui caractérisent son génome. Et puis, je peux mesurer la ressemblance entre mon génome et le tien. Je compte le nombre de marqueurs où on a les mêmes marqueurs, le nombre de marqueurs qui sont différents, et puis je mesure la différence entre toi et moi. Et puis, entre vous et moi, et puis entre chaque personne ici, je peux mesurer entre chaque paire d'individus dans cette pièce le pourcentage de similarité, d'identité entre les 500 000 marqueurs génétiques. Donc j'aurai des tas de pourcentages comme ça. Et puis ce que je peux faire, c'est essayer de les poser sur une carte en deux dimensions, en essayant que les distances entre les gens sur la carte, les distances en centimètres sur la carte, reflètent les pourcentages de différence entre les génomes. Donc ça, c'est l'explication simple du concept. Après, la manière dont on procède, c'est l'analyse en composantes principales. Je ne le dis pas. Je peux pas résister. C'est dans mes gènes. Ça peut être compréhensible. La différence entre la distance des maîtres et la différence entre deux génomes. Par exemple, je mesure entre toi et moi, on voit qu'on a 90% de marqueurs ensemble. Okay. Et puis je vois qu'entre Annick et moi, on a 95%. Comme pour le chimpanzé. 95%. Non, c'est le marqueur, c'est pas le génome complet. Je suis plus proche de toi qu'un chimpanzé. C'est une chimpanzé. Et puis on va mesurer entre d'autres personnes ici, et on va voir qu'entre moi et une autre personne, on va avoir 70%. Et cette personne-là, donc je vais la mettre dans un rayon ici avec une distance de 30%, mais je vois qu'elle a 80% avec toi, donc je vais prendre un petit rayon avec toi, puis je vais dire, je la place là, cette personne. Et puis on fait ça pour chaque personne. Tu leur imposes une distance de... En mètres, mais je pose sur la carte les gens, de telle sorte que la distance ici ressemble à la distance génétique. Je vois pas le rapport entre la distance génétique. Il y en a pas. C'est un mode de représentation. C'est juste. Pourquoi s'il y en a pas, pourquoi en faire une? Non, pourquoi en faire une? On veut en faire une parce qu'on veut. Non, mais c'est très important. C'est parce qu'on veut répondre à une question. Tu as raison de poser la question. C'est parce qu'on veut répondre à une question précise qui est-ce que les relations génétiques entre les individus, c'est-à-dire leur proximité génétique, nous permet-elle, oui ou non, de retrouver leur origine géographique? Ça, c'est la question qu'on pose. Pour savoir ça, pour répondre à cette question-là, ce qu'on fait, c'est qu'on dresse une carte qui représente uniquement la proximité génétique, et si la proximité génétique correspond à la proximité géographique, on va le voir que les individus qui viennent de pays différents vont être éloignés. Et si tu regardes la carte, ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'en bas, il y a un paquet de points violets et mauves, et puis il y a un autre paquet de points jaunes. Les points jaunes, c'est je crois qu'il y a les jaunes, les Français. Orange. C'est sur l'Europe, ça ne va pas trop. Il est marqué FR dessus. Ouais, ouais. Donc les Français sont étiquetés FR et les Espagnols ES. Et ce que vous voyez, c'est que les Espagnols et les Portugais sont plus ou moins mélangés. Ouais. Par contre, il y a une nette différence entre les Français et les Espagnols. Il y a un trou, il y a une ligne blanche entre les deux. Il y a exactement. Ça, on le savait déjà. Oui, exactement. Oui. On le savait déjà. Sauf qu'au moment où on a dessiné ça, le programme qui a fait la carte ne le savait pas. Les biologistes qui ont fait l'expérience le savaient. Mais quand ils font le test génétique, ils mesurent juste les gènes des gens. Hein? Et lui, il donne ça à un programme, et ce programme, c'est un programme d'ordinateur qui ne connaît pas l'origine géographique des gens. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il place ensemble tous ceux qui ont ces gènes-ci qui ressemblent à ça, il place ensemble tous ceux qui ont d'autres gènes un peu différents que là, mais qui se ressemblent entre eux. Donc il place les gens, des nuages de points, il regroupe des gens qui ont des mêmes gènes. Et il sépare des gens qui ont des gènes différents. Et quand il fait ça, a posteriori, une fois qu'il a fait la carte où on a juste un identifiant pour chaque point qui dit quelle personne c'est, mais on n'a pas encore dit au programme quelle était la nationalité des gens, a posteriori, on fait la coloration. Et on leur dit, en mauve, tu me marques les Espagnols, en jaune, les Français, en brun, les Italiens. Là, on voit qu'en fait, ce programme a pu deviner la structuration géographique des gens, a pu l'inférer. Techniquement, il a inféré la structuration géographique des gens uniquement sur base de leur génome. Mais à contrario, il y aura des peuples qui vont être à cheval sur des montagnes ailleurs. Attends, alors justement, ce qui est très intéressant, c'est que là, on voit très bien que entre l'Espagne et la France, il y a vraiment une discrimination tout à fait nette. Ça s'appelle les Pyrénées. Mais par contre, entre la France et la Suisse, par exemple, là, il y a un peu plus de mélange. Et ça s'appelle les Alpes. Alors la Slovaquie est complètement mal placée, ça ils en discutent. Et donc ça c'est une faiblesse du truc, c'est que pour la Slovaquie ils avaient un très petit échantillon. Et donc la projection, le programme s'est planté. Ça veut dire quoi, c'est les Siciliens. Ils avaient trop peu de gens. Ça veut dire quoi, qu'il y a un génome français, un génome espagnol, un génome portugais. Ça veut un petit peu dire ça, tu as raison. Ça veut un petit peu dire ça. Et ce que ça veut dire, et qu'il souligne dans l'article, il dit que ceci est très intéressant pour la police scientifique. Parce que... C'est inquiétant, ça. Attends, justement, ils ne disent pas dans l'article que c'est inquiétant. Ils oublient de le dire, ça, que c'est inquiétant. Ils disent dans l'article, voici qui est très intéressant, c'est parce que, pour la police scientifique, ben, quand ils trouveront les traces d'un criminel, dans les bases de données d'ADN aujourd'hui, tout le monde n'est pas représenté. En France, vous avez ici des bases de données avec 1 300 000 personnes sur 60 millions. Ben, il se peut que le violeur, il ne soit pas encore dans la base de données. En Belgique, on a seulement 21 000 personnes dans les bases de données, parce que la loi est complètement différente. En Belgique, on a un projet, enfin une protection du citoyen, qui fait qu'on garde dans les bases de données que les profils génétiques des gens qui ont été déjà condamnés pour des crimes, des caractères sexuels, des faits de meurtre, des trucs comme ça. Par contre, en France, il y a eu un projet Sarkozy, il y a quelques années, qui visait à échantillonner le plus grand nombre possible de gens. Et il y a aujourd'hui 1 300 000 personnes. En Angleterre, Blair a eu le projet de séquencer, pas de séquencer le génome, hein, c'est juste les marqueurs microsatellites, c'est les choses non informatives, etc. Donc dans les bases de données aujourd'hui, il n'y a pas cette information-là, ça, on ne peut pas faire ça. C'est des microsatellites. Hein. Mais en Angleterre, il y a 5 millions d'individus. Et donc ce que ça veut dire, c'est que si je trouve des traces d'un criminel sur les lieux du crime, s'il n'est pas déjà dans les bases de données, je ne sais pas qui c'est. Mais ce que je pourrais faire en appliquant cette méthode-là, c'est que cet individu-là, il a vraisemblablement un génome qui est typique du français ou du nord-africain. Et ça a été mis en application une fois en Espagne. Enfin, il y a eu l'attentat où il y a 109 personnes qui ont été tuées. Là, dans ce cas-là, ils avaient, parmi les personnes qui étaient tuées, il y avait vraisemblablement les kamikazes qui avaient fait l'explosion. Et ils ont appliqué cette méthode-là pour essayer d'identifier l'origine des suspects. Et ça leur a permis d'un peu resserrer les taux. Ça ne leur permet pas d'identifier une personne, hein, mais ça leur permet de resserrer un peu les taux et puis après d'avoir un nombre limité de suspects. Maintenant, une des faiblesses de cette étude, c'est que techniquement, ils ont triché, enfin ils le disent, hein, c'est-à-dire qu'ils ont sélectionné des individus qui avaient une histoire familiale de mobilité réduite. C'est-à-dire, oui, ils ont sélectionné tous les individus dont les quatre grands-parents vivaient dans le même pays, même région. Ils avaient 3000 personnes au départ, ils ont sélectionné 1352 qui avaient les quatre grands-parents qui vivaient dans le même pays. Mais alors ça, cette faiblesse-là, moi, avec les méthodes que j'utilise pour faire d'autres choses, je sais comment faire pour utiliser cette faiblesse et la retourner comme une force. Parce que par exemple, moi, je n'aurais pas été dans leur étude, parce que j'ai un grand-père polonais, une grand-mère hollandaise, une grand-mère wallonne et un grand-père... je comprends, mais j'ai quatre grands-parents qui viennent d'endroits différents. Et donc moi, mon point ici, il aurait été au milieu entre la Pologne et la Belgique, en gros, et la Hollande. Il aurait été quelque part au milieu. On m'aurait peut-être pris pour... un Allemand, un Danois, qui sait. On m'aurait proposé. Mais, c'est parce que la méthode ici, c'est une première approche. Je pourrais moi utiliser d'autres méthodes, notamment l'analyse discriminante de Fischer, un célèbre géniste. Je pourrais utiliser d'autres méthodes qui me permettraient d'analyser ces mêmes données pour dire la personne qui a commis le crime a un chromosome Y qui est typique de population polonaise. Il y a sur son chromosome X ceci, qui vient de sa mère, il y a ceci et cela. Chez moi c'est chez chromosome X parce que ça vient de ma mère, typique de la population polonaise, chromosome Y du hollandais, et en plus il y a du sang juif, etc. Et donc on pourrait, en Belgique, me retrouver assez facilement, me retrouver limité à un nombre de personnes, si on pense que je suis dans les catalogues de l'État belge. Mais du coup, ça c'est une possibilité. Maintenant, qui va lire notre avenir dans nos gènes? C'est peut-être la police, savoir si on va ou pas en prison. Mais une autre personne qui va peut-être lire notre avenir dans nos gènes, c'est les épurateurs ethniques. Parce qu'évidemment, cette méthode-là, en Yougoslavie, au moment où on essayait d'un petit peu trier entre les Serbes, les Croates, etc., elle aurait été bienvenue chez certains. Et là, dans le bouquin, il y a un bouquin que je vous recommande vraiment, vient de paraître en 2013, ADN Superstar ou Superflic. En fait, je suis vraiment frustré parce que c'est un cours que je fais depuis des années. Tout ce que je dis, il est là-dedans, et même plus. Très bien écrit. Ça m'a plu à faire. Que je l'écris, quoi, tu peux plus. Fischer, vous avez cité, il n'est pas nazi ou. Tu as lu, non, c'est un anglais. C'est un lord anglais. Tu as cité eugénisme. Tout le monde était eugéniste à la fois. Eugénisme, tu peux en dire deux mots. Deux mots, c'est difficile. Ouais, je peux en dire beaucoup de mots. Attendez, donc pour les autres. Oui, j'ai une si on veut, mais avant de vous tuer tout à fait. Il y a Eugène. Oui, Eugène. Donc, retrouver les origines. Tu as eu le temps de le lire quand même en grosse partie, oui. La moitié, je dirais, j'ai lu. Très bien. C'est ce que tu penses. Très lisible, oui. C'est deux généticiens des populations qui sont ici en France, sont à Montpellier, je crois. C'est lisible, très lisible. Ils donnent, c'est vraiment, ça se lit comme un roman. Quoi. Un peu un roman de science-fiction, quand même. Entre thriller et science-fiction. Mais en fait, on peut classer les individus, on pourrait faire des tas de classements. Oui. Mais ici, c'est pas qu'on fait. On pourrait faire des tas de classements sur base de critères culturels, sur base de critères génétiques, sur base d'autres critères. Alors, il y avait tout un credo, et c'est vraiment un credo de Jacquard, par exemple, Albert Jacquard, de Stephen Jay Gould aussi, de Lewontin, qui disait. Le concept de race n'existait pas. Enfin, ça, c'est pas un credo, c'est pas un. On dit le raisonnement général, c'était un raisonnement pour lutter contre le racisme. Et le fil conducteur du raisonnement, c'était ceux qui parlent de race se trompent parce que dans l'espèce humaine, il n'y a pas de race, parce que l'espèce humaine est un continuum, et les mouvements de population, les mélanges sans arrêt s'est rebrassé, etc. Et donc, et d'ailleurs, disait-il, il y a plus de variabilité au sein d'une population qu'entre deux populations différentes. Eh bien, ça, c'était un credo déjà à l'époque, qui était contesté à l'époque pour des raisons statistiques. C'était vrai si on regardait un gène donné. C'est ça qu'il faisait. Il disait, bon, mais si on regarde, par exemple, un gène, le rhésus, par exemple, le facteur rhésus. Ben, depuis la Première Guerre mondiale, on a fait des analyses de facteurs rhésus pour les transfusions sanguines, parce qu'on savait bien que les soldats qui venaient d'Afrique, ils n'avaient pas les mêmes proportions de facteurs de AB. Enfin, de rhésus plus ou moins, ou des facteurs ABO que les croupions français. Et donc, quand on faisait des transfusions, il fallait vérifier avant de faire les transfusions, on avait deux sens d'ailleurs. Donc ça, on le sait bien, qu'il y a des différences de proportion entre des groupes géographiques et ethniques différents. Alors, qu'on les appelle race ou pas, tu peux les appeler ethnie, ou tu mets le nom que tu veux dessus. Mais pour moi, le problème n'est pas d'appeler une chose race ou ethnie. problème du racisme, il est indépendant des critères physiques. Parce que les gens qui sont racistes, ils s'en foutent de savoir si on a des gènes différents ou pas. Ils sont racistes pour des tas d'autres raisons culturelles. Pour des raisons culturelles qu'on n'est pas raciste, parce qu'on n'aime pas les gènes de l'autre. Hein. Donc, c'était, je pense que c'était une mauvaise réponse au racisme, cette réponse-là. Et bien simplement aujourd'hui, dans ces données-là, il y a la preuve que c'était faux ce qu'ils disaient. Il y a la preuve qu'aujourd'hui, on peut reconnaître si une personne est juive ou n'est pas juive du point de vue génétique, hein, si on peut tracer les origines génétiques d'une personne. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que il y a des firmes qui vendent ce genre de diagnostic, et puis sur leur blog de la firme, il y a des gens qui disent « Ah ben, je suis très déçu parce que moi, je suis juif. » Et il s'avère que je suis juif parce que ma mère est juive, sa grand-mère est juive, etc. Et j'espérais quand même trouver chez moi les marques génétiques de la juivité, et puis on ne les trouve pas. Mais c'est pas grave, parce que j'ai découvert au passage que j'avais des marques génétiques de telle autre tribu antique qui est très romantique, etc. Et bon, je cite cet exemple-là qui a été tiré d'un blog. Mais ça, je pense que c'est un des gros problèmes, quoi, c'est que les gens s'identifient à leur gène plutôt qu'à leur culture. Ouais. C'est ça le problème. Du point de vue de la police scientifique, c'est juste pragmatique. Hein. J'ai un échantillon et puis je vais simplement essayer de resserrer les taux pour trouver la personne. Bon, c'est une bonne guerre, quoi. Mais après, le risque, effectivement, c'est de commencer à s'identifier à ces gènes. Et ça, c'est ce que vend 23andMe. Déjà depuis donc, cette compagnie qui vend des diagnostics pour $100, il y a quelques années, ils vendaient déjà le fait de faire des réseaux d'affinités. Ah oui, parce que c'est Google, hein, Google, Facebook, Twitter, etc. Donc, ce que tu peux faire, mais ça, il suffit de ne pas cocher la bonne case ou de cocher la bonne case, je ne l'ai jamais fait. Mais... et si tu coches la bonne case, tu acceptes d'entrer dans leur base de données et de partager tes données avec une grande communauté de tous les amis, les amis du gène, tu vas pouvoir jouer à un jeu qui est de retrouver les gens qui, sur le chromosome 17, ont une région qui ressemble à la tienne. Alors, on va faire le club des amis du chromosome 17. Et puis, alors ça, c'était le jeu initial. Ils présentaient ça comme des réseaux d'affinités génétiques. Ça commence déjà à plus. Hein, c'est qui disait qu'il y avait des problèmes. Ça commence. Alors, c'est pas tout, parce que maintenant, ce qu'ils font aussi, parce que c'est tracer tes origines ancestrales. Et ça, il y a un fort public en Amérique, parce qu'en gros, presque tous les Américains, ils ont une histoire d'immigration. Ouais, ils viennent d'Europe, ils viennent d'Angleterre, ils viennent d'Irlande, ils viennent d'Allemagne, ils viennent d'Afrique. Et quand on dit « ils viennent d'Afrique », non, c'est que leurs ancêtres proviennent de multiples endroits en Afrique, en Europe, etc. Et donc, il y a un jeu un peu anecdotique de retrouver ses origines. Alors, et après, il y a une autre compagnie qui s'appelle Genographics. Il y a un projet Genographics. Et là, le projet, c'est d'étudier la diversité mondiale des gènes, y compris dans les populations indigènes. On va échantillonner la splendide diversité du génome humain. Et donc, ils vont dans des populations indigènes pour étudier les mouvements des populations. Ça, c'est chouette parce que ça répond à des questions sur la culture, sur l'histoire, des questions anthropologiques, sur les mouvements des populations. Et on peut le faire avec ces méthodes-là. Que permet de faire cette méthode-là aussi. C'est une entreprise infinie. C'est une entreprise, aujourd'hui c'est fini, il y a 10 milliards d'individus, c'est un peu le génome de tout le monde, et puis vraiment toutes les générations pour commencer. Mais c'est une entreprise qui peut fonctionner avec quelques milliers d'individus. Ouais. Et en plus, ils l'ont fait comme un projet privé où ceux qui veulent, le grand public, alors ils distinguent deux types d'humains, il y a le grand public et puis les indigènes. Et donc le grand public, non mais c'est les mots que tu utilises, hein. Les indigènes ne sont pas le grand public, et le grand public, on n'est pas indigène. Donc le grand public paye pour faire son test d'origine, alors on reçoit cette petite gratification anecdotique de dire qu'on a un peu de sang ceci, un peu de sang cela, etc. Et les indigènes ne doivent pas payer parce qu'il y a tout un but philanthropique, soi-disant, de ce machin-là. Alors une partie du fric, alors ils font un fric monstre, mais une partie du fric, ils l'utilisent pour des bonnes œuvres, par exemple. Mais justement, comme ils sont très critiqués sur le fait d'être très portés sur le gène, alors ils disent « Ah oui, mais on va aussi financer, par exemple, une école de broderie à Gaza, ou un des écoles de gène. » Donc il faut un peu de culturel, quoi, voilà. Les génocides se sont faits sans la génétique, alors je ne vois pas pourquoi vous avez une crainte de cette génétique, elle vous fait peur et vous pouvez faire peur. Encore, moi, regardez les photos avec tous les mouchards qu'il y avait, je veux dire, ils les ont trouvés. Oui, ça donne simplement une assise technique, mais c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de ça pour faire un génétique. Je ne sais pas pourquoi on fait peur aux gens, tout le monde fait peur aux gens. Ce qui peut faire un peu plus peur, c'est un projet eugénique, par contre. Voilà. Non, mais moi, je suis pas. Ils font peur aux gens. Ils sont pas la manipulation. C'est l'utilisation qui en est faite, et en fait, ça nous ravale à l'animalité. Enfin, fonder les affinités humaines sur des gènes, c'est quand même quelque chose d'extravagant. C'est pas l'humanité, ça. On peut dire 90% de gens avec le singe, genre avec les animaux. On est des animaux un peu plus cortex que les singes et tout. On n'est pas sur les mêmes biologies. Non, j'ai bien compris aujourd'hui, et je vous en sais gré, j'ai compris chacun, que chacun votre tour. Nous avions commencé avec une bactérie, ça me réjouit. Voilà, c'est pas du tout ce que vous pensez, monsieur. Il y a Franck qui avait une question depuis longtemps. S'il vous plaît, on évite les discussions individuelles, après on pourra les faire plus en dehors de la salle. Il y a plusieurs questions. Au niveau manipulation, quel est le danger? Est-ce qu'on peut manipuler les gènes? Donc je retiens ta question. Franck avait une question aussi, je vais voir un peu si c'est des questions que vous avez. Non, moi, c'est un peu technique, en fait. Ce type de représentation, c'est assez impressionnant. Oui, ici. Ils sont basés sur les actes etc. Oui, on en discutera après. Je vais l'imposer à personne à part toi. Je vous laisse dire quelque chose. Oui, c'est ça, c'est PC1, PC2. Les manipulations, et alors la question ici. Non, moi, c'était sur le problème des Basques, s'il y a problème. Il paraît que les Basques sont très différents des Européens. Oui, c'est ça, voilà. Ça, effectivement, c'est du point de vue linguistique. Je crois qu'il y a trois populations européennes qui sont des extraterrestres. Hein, où il y a une soucoupe volante qui est venue, on les a déposées avec leur langue, et puis la soucoupe est repartie. Et c'est les Basques, les Finnois, les Hongrois, voilà. Alors, les études sont très intéressantes, mais je me souviens un peu des détails. Mais je me souviens qu'il y avait une mauvaise surprise là-dedans. C'est que les Hongrois, qui sont si fiers de leur particularité linguistique, en fait, du point de vue génétique, ils ne sont pas très différents du voisinage. C'est-à-dire qu'en gros, quand les Huns sont passés par là, ils ont fécondé tout le monde. Enfin, non, je le dis de façon vraiment profonde. Non, mais que c'est pas, c'est on pas peut pas lier langue et gène. Si, non. Alors, voilà, ben oui. Alors là, voilà. En Suisse, dans le petit schéma que je vous ai montré, mais c'est formidable. Tous les morceaux de ma figure, ils ont servi à répondre à vos questions. Le petit machin du poil, je ne croyais même pas qu'on allait regarder. Le dernier, hein, c'est le tout dernier. Ça, c'est les langues. Alors, il est un peu compliqué à voir, mais il y a six couleurs. Parce que la Suisse, évidemment, c'est le pays pour se poser la question. Et bien, en fait, ce qu'il voit, c'est qu'il y a une séparation des points. Alors, s'il y a un mélange aussi, mais il y a quand même une séparation des points verts, c'est-à-dire tous les francophones. Et il y a un mélange des francophones suisses, les points verts, avec les francophones de France. Et ça, c'est parce que les Alpes, visiblement, c'est pas aussi étanche que les Pyrénées. Je pense, hein, c'est ça qui a nous dit. L'Occitan, ça se parlait des deux côtés, en Italie et en France. Mais on peut dire la même chose avec le Basque et le Catalan. Maintenant, l'étude, là, s'ils faisaient les Catalans, ça, c'est une autre question. Qu'est-ce qui se passerait si au lieu de marquer ES, ils avaient marqué 4? Peut-être qu'on aura un nuage de points intéressant. Ce qui est marrant, c'est en Italie aussi. Vous voyez, ce qui est formidable, c'est que l'Italie, on voit une forme comme ça. Ça s'appelle la botte de l'Italie. Et on voit deux paquets d'Italiens. Ouais. Et ça, si j'étais italien, je me dirais bon sang, c'est les Italiens du Nord et les Italiens du Sud. Par contre, ces Italiens du Nord se mélangent avec les Suisses. Ouais. Ouais. Donc, du point de vue de la structure génétique des populations, il y a plus de mélange au niveau de la Suisse et de toute la voisine, qu'entre l'Italie du Nord et l'Italie du Sud. Maintenant, ceci, c'est basé sur quelques centaines d'individus, sur 1300. Il y a certains. Nationalité où ils ont juste 3 ou 4 individus, hein, la Russie par exemple. Donc évidemment, s'ils avaient quelques milliers de Russes, quelques milliers de Slovaques et tous les points seraient peut-être même mieux disposés que ça, et on pourrait réellement commencer à faire des questions là-bas. Oui, il y a les questions aussi de Francis sur qu'est-ce qu'on peut faire. Ouais. Ça va ? Vous voulez dire quelque chose ? Non ? Ou on fait une... Oui, parce que... Quelle heure est-ce si on fait une conclusion? On ne conclura jamais. Non, on ne va jamais conclure. Vous pouvez poser une question. Il est 19h40. Il est 19h40? Oui, ça fait 2h40. Non, là, j'ai un peu. Francis, merci. Moi, je veux dire, il faut plus, mais écoutez, il faut... Si on peut continuer... avez la discussion. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit en terminaire? Est-ce qu'il y a une conclusion? Non, mais non, c'est pas moi. C'est pas à moi l'affaire, en tout cas. Mais moi, je vous donne des éléments sur ce qu'on peut faire. Mais je crois que tout le monde a suffisamment de jeunes de l'intelligence pour. J'arrête. Ah oui. On va faire après, c'est qu'il faut